Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo. Anciennement, il y a 40 ans, ça s'appelait Radio Trait d'Union. Radio Trait d'Union, voilà, c'était bien quand même. Hein? Radio Trait d'Union, ça correspondait bien à l'esprit des radios libres de l'époque. Radio locale et libre. Bon, depuis, il a coulé de l'eau sous les ponts, hein, bien sûr. Tout a vieilli, tout le monde a vieilli. Nous avons tous vieilli. Eh oui. Alors, le programme de ce soir, de cette mosaïque, eh bien, Macron versus Mélenchon. Ensuite, merci à Jean-Luc Mélenchon pour ses 8 minutes, disent les journalistes qui l'interviewent. Hein, bah oui, on dit interviewer, hein, maintenant. On cause plus français sur les radios, enfin, de moins en moins. Bon, l'anglais, oui. Bon, pourquoi pas le polonais, le tchèque, l'espagnol, le portugais, l'italien, etc., etc. Des langues dans le monde, on n'en manque pas. Et puis il y a l'espéranto, qui est une langue internationale, qui est facile, qui est la plus facile à apprendre, et qui pourrait servir de langue internationale. Mais bon, voilà. Alors, voilà, ensuite, ben, musique, il y aura The Beatles, Yesterday, hein, bah oui. Et puis, Adrien Quatennens, Macron ignore la souffrance qu'il a semée, hein. Macron ignore la souffrance qu'il a semée. Ensuite, ben, Alexis Corbière nous dira que nous souhaitons une France indépendante. Alain Krivine, qui vient de mourir, a été enregistré il y a quelques années, et il racontait ses mémoires de révolutionnaire à Thierry Ardisson. Caroline Fiat nous explique qu'elle nous raconte qu'elle a commencé un mandat en dénonçant le manque de moyens de l'hôpital. Au bout de 5 ans, ben, la situation n'a pas évolué. C'est pas que les insoumis n'ont pas fait le nécessaire, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais comme ils sont minoritaires, et que c'est les macroniens qui sont majoritaires, eh bien, ils ont fait tout l'inverse. Voilà. Le travail de sape, de démolition, a continué. Fabriquer le malheur du peuple pour fabriquer des riches encore plus riches, ben c'est ça. Alors si les Français votent pour des individus comme ça, ben faudra pas qu'ils viennent se plaindre. Hein. Ben oui, les Allemands, ils ont voté pour Hitler en 1932. Ça leur a coûté une guerre mondiale. 10 millions de morts. Ah oui, 10 millions de morts rien que pour l'Allemagne. Hein? Ah oui, puis 50 et quelques millions pour le reste du monde. Hein? Oui, oui, oui. Ah mais un bulletin de vote, ça peut être très, très dangereux. Un bulletin de vote peut tuer des millions de personnes. Un bulletin de vote. Vous rendez compte? C'est rien un bulletin de vote, c'est juste un petit bout de papier. Eh oui, ça peut tuer beaucoup de monde. Ça peut fabriquer du chômage, énormément de chômage, ça peut fabriquer de la misère, et ça peut être la cause de guerres et d'incidents du même genre. Alors ensuite, François Ruffin est venu à Épinal. Alors voilà, un petit enregistrement d'une partie de ce qu'il a dit à Épinal. On passera un autre enregistrement une autre fois. Hein, voilà. Et puis une petite revue de presse peut-être. Bon, voilà. Bonne nuit. Sempre misero chi adesso affido

la vie vous a, la vie vous abandonne trop tôt. Et donc s'oppose à l'esprit de la Renaissance l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est le contraire. C'est déclarer fausses des idées vraies ou déclarer vraies des idées fausses. Dans l'obscurantisme, il y a trois aspects. Premier aspect, déclarer vraies des idées fausses. Exemple. Le privé, ça coûte moins cher que le public. Obscurantisme. C'est pas vrai. Le privé, ça coûte plus cher que le public. Et il n'y a pas besoin d'être un aigle pour le comprendre, parce que forcément, si vous avez quelque chose à vendre et que l'autre a la même chose à vendre, eh ben, vous faire de la pub. Ça, c'est un coup de plus. Plus de l'administration, etc. Vous le savez tous. Bon, donc, obscurantisme. Comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Obscurantisme. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on vit plus longtemps, parce qu'on travaille moins longtemps. Ils se sont donc trompés dans l'ordre des facteurs. Le néolibéralisme fonctionne comme un obscurantisme parce qu'il tient pour vrai des choses qui sont fausses et arrive à vous les enfiler dans le crâne au point que vous finissez par vous-même par vous dire « Oui, mais il y a peut-être du vrai. » Non, il n'y a pas de vrai là-dedans, c'est faux. Si vous partagez, il y a de quoi faire vivre tout le monde bien. Si vous partagez, il y a moyen de partager, de produire et de consommer raisonnablement, c'est-à-dire en tenant compte de notre environnement. Deuxième forme de l'obscurantisme. Empêcher la propagation du savoir. Ça ne va pas être trop long, mais je dois vous le dire. En ce moment, il y a une bataille qui commence, et vous devez bien regarder ça, les gens. Parce que nous autres, qui venons du commun, nous avons toujours cru que c'est par les études que nos enfants amélioreront la situation, leur situation de vie. Et pas seulement leur situation matérielle, aussi leur situation morale, intellectuelle. L'apprentissage, chez les êtres humains, produit ce qu'on appelle une culture cumulative. Nous sommes tous les enfants de milliers de livres écrits avant nous, de milliers d'expériences qui ont été vécues. Les êtres humains ne sont rien sans le savoir qu'ils ont en partage. D'où l'importance de continuer à partager le savoir, à le partager sans condition. C'est la règle de base de l'idée de l'éducation nationale dans notre pays, fondée par la Grande Révolution de 1789. L'instruction publique, telle que l'a réclamée le Pelletier sans Fargeau ou Condorcet. On apprend à tout le monde, parce que plus on apprend, plus on est savant, et plus tout le monde avance. Eh bien, l'obscurantisme de notre temps, c'est quand il décide que le savoir est une marchandise auquel n'accèdent que ceux qui ont les moyens de se la payer. Alors ceux-là font le pire de tout. Le contraire de ce qui était la gloire de l'histoire humaine, la transmission du savoir. L'école doit être gratuite, elle doit être égalitaire, elle doit être la même pour tous nos gosses. Eux, ils fabriquent des établissements qui sont des établissements qui permettent la sécession des riches et de leurs enfants. Je viens maintenant sur le dernier point de l'obscurantisme, c'est ignorer volontairement. C'est-à-dire qu'on organise l'ignorance. Il y a des profs ici dans la salle. Non, parce que sinon, ça va saouler les autres. Levez la main que je vois. Ah, quand même. Il y en a quelques-uns. Ah oui, il y en a derrière aussi. Merci les profs. Alors, vous autres, les profs, il ne faut pas seulement vous préoccuper de l'organisation de l'école comme est en train de vouloir vous la faire, monsieur Blanquer. Regardez bien. Dans le cours de philo, ils ont décidé d'enlever deux thèmes. Et d'en rajouter un. Celui qui rajoute, c'est le retour de Dieu. Pourquoi pas ? Mais les deux qu'ils ont enlevés, je trouve ça quand même un peu lourd. Hein. Premier thème qu'ils ont enlevé, le travail. Mais oui. Deuxième thème qu'ils ont enlevé, l'inconscient. Autrement dit, un jeune homme ou une jeune femme de notre temps va à l'école en cours de philo et on ne lui parle ni de Marx ni de Freud. Les cours d'histoire, c'est pareil. Si on n'apprend pas à tous les petits Français ce qu'est la révolution de 1789, ils n'ont pas de raison particulière d'être français. Parce que être français, à part la carte d'identité sur laquelle c'est marqué que vous l'êtes, ce qui nous relie les uns aux autres, c'est le pacte politique liberté, égalité, fraternité. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, quel que soit le savoir, la patrie est à tous parce que nous sommes républicains. Si les jeunes gens ne savent pas que la République n'est pas tombée du ciel, mais qu'elle est venue de la lutte populaire, qu'il a fallu renverser les privilèges, qu'on a dû faire face à tous ceux qui sont venus de toute l'Europe pour mater le peuple français, alors on prive les jeunes gens de quelque chose qu'ils sentent en eux, qui est une volonté de vivre et de faire et de bien faire et de bien vivre, qui est appuyée sur l'histoire, devient une force irrépressible qui peut vaincre toutes les difficultés. Et c'est à quoi correspond le sentiment d'insoumis, si ça veut dire quelque chose, insoumis. C'est une manière d'être personnelle avant d'être un programme politique. Mais c'est aussi un programme politique. Et ça devient un programme politique parce qu'il est enraciné dans l'idée que vous vous faites de vous-même, qui est que vous n'êtes pas des choses, vous n'êtes pas seulement décrits par votre genre ou par votre métier. Vous êtes des gens qui contenaient la possibilité d'un monde entier qui est contenu dans leur tête, à condition qu'on veuille bien considérer que toute personne se vaut et que nous sommes semblables. Et comme nous sommes semblables, alors il y a un intérêt général humain, et je reviens au début de mon discours, cet intérêt général humain, c'est que ne soit pas détruit par le capitalisme financier de notre époque, dont la Commission européenne et le syndic ne soient pas contraints à détruire les êtres humains et la nature. Voilà pourquoi nous, à notre tour, à notre temps, à ce moment-ci de l'histoire, après avoir été pendant des générations les enfants de l'humanisme dont je vous parlais tout à l'heure, renés en Europe au XIVe siècle, continués dans les Lumières, exprimés politiquement dans la Grande Révolution de 1789, vécus ensuite dans la Commune de Paris et dans toutes les expériences et tentatives socialistes qui voulaient changer la vie des gens en y établissant l'égalité, on le sait au prix de quelles erreurs, mais aussi au prix de quels espoirs, de quels dévouements, de quelles luttes sans fin qu'ont mené les générations avant nous. Maintenant, le moment est venu d'entrer dans une nouvelle phase idéologique et politique, celle du nouvel humanisme, où on redit le siège de la vérité est dans nos esprits, et le siège de l'efficacité est dans notre action, comme on le pensait au début, mais on y ajoute quelque chose de fondamental. Il n'est pas vrai que l'être humain doit se rendre, comme le disait Descartes, maître et possesseur de la nature. Il n'est plus question de se rendre maître et possesseur de la nature. Il s'agit d'être en harmonie avec elle. Et l'harmonie est une chose très précise, ça porte un nom. Ça s'appelle la règle verte. L'harmonie, c'est comme dans la musique, c'est la concordance des temps. La règle verte signifie qu'on ne prend pas plus à la nature qu'elle n'est capable de reconstituer. C'est un défi technique, scientifique majeur. Tel est le nouvel humanisme. Il se préoccupe non seulement des êtres humains, mais il pense que les êtres humains ne peuvent vivre et exister qu'au milieu de la biodiversité et que notre premier devoir est que nous sommes concernés par la moindre des libellules, la plus innocente des abeilles et la grenouille la plus vulgaire. Tout ça est un seul monde, c'est le monde vivant, il doit vivre en harmonie. Alors, criminels et irresponsables, ceux qui n'assument pas cette responsabilité. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Jérôme Cadet. Vous êtes député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Les auditeurs d'Inter peuvent vous interroger au 01 45 24 7000 ou via les réseaux sociaux et l'application France Inter. Nous allons évidemment parler de la situation de la guerre en Ukraine. Le pire a semble-t-il été évité cette nuit tout près de la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui a été bombardée. Mais je voudrais qu'on commence avec la campagne présidentielle. Emmanuel Macron, officiellement candidat, il le dit dans une lettre que publie ce matin les journaux de la presse quotidienne régionale. Vous avez lu cette lettre, Adrien Quatennens. Que dites-vous, enfin ? Oh bah, il était temps que Emmanuel Macron soit candidat. Il nous a plutôt habitués, souvenez-vous-en, en 2017, à être audacieux, on disait même disruptif. Mmh. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette lettre est assez fade et donne un sentiment désagréable de profonde continuité. Alors, s'agissant d'une lettre, on aurait préféré avoir une lettre d'excuse de la part d'Emmanuel Macron pour l'état dans lequel il a mis le pays après 5 ans de quinquennat. Plus globalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les circonstances du moment, qui sont graves, ne doivent pas transformer l'élection présidentielle en formalité administrative de reconduction du sortant. Or, on a l'impression, quand on regarde ce courrier, qu'on a finalement la feuille de reconduction du sortant, dont il manquerait plus que le talon réponse en bas, en demandant aux Français, vous savez, de cocher la case « oui » et de signer. Ça n'est pas possible. Il va falloir de la confrontation, du débat d'idées, quelles que soient les circonstances particulières dans lesquelles se tient cette élection. Parce vous craignez qu'il esquive ce débat ? Bah, écoutez, en tout cas, on a l'impression qu'on en prend le chemin. Alors, on espère qu'Emmanuel Macron va participer au débat, parce que si vous voulez, l'élection présidentielle est dans moins de 40 jours maintenant, et sur tous les grands sujets qui nous occupent, qu'il s'agisse de la question internationale, parce qu'on rappelle que le chef d'État est aussi le chef des armées, et que c'est lui qui impulse la politique que la France mène sur la scène internationale. On a eu la semaine dernière un rapport du GIEC qui est extrêmement alarmiste sur le climat. On considère, nous, que ce quinquennat est un quinquennat de perdu pour le climat. Emmanuel Macron a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique. L'État a été condamné à 2 reprises. Et puis, il y a surtout la situation d'urgence sociale qui s'aggrave en France sur fond de hausse des prix et d'inflation. On a toutes les raisons de penser que ce qui se passe, y compris en Ukraine, va aggraver ces tensions. Alors après, vous savez, il y a dans cette lettre d'Emmanuel Macron de véritables mensonges et des orientations qui ne sont pas acceptables, qui apparaissent comme indiscutables dans la tonalité qu'il prend. Par exemple, quand il dit « notre industrie a pour la première fois recréé des emplois ». Bon, quand vous regardez la réalité, c'est 38 000 emplois industriels de moins depuis le début du quinquennat. Quand il nous dit aussi... La baisse du chômage, c'est une réalité, Adrien Quatennens. J'y viens. La baisse du chômage, si on peut s'attarder un instant là-dessus. Ça fait des semaines qu'on nous dit qu'il y a une baisse historique du chômage. Et en effet, qui serions-nous pour ne pas nous en réjouir ? Simplement, voyez-vous, dans tout tour de magie, il y a un truc derrière. Et en ce qui concerne la baisse du chômage qui est affichée, le truc n'est pas très enthousiasmant. Je m'explique. On nous présente une baisse de 7% du chômage qui, en réalité, cache pour l'essentiel une explosion de la précarité de l'emploi. C'est-à-dire que ce qui permet à Madame Borne et à Monsieur le maire de venir plastronnant sur vos plateaux de radio et de télé dire que le chômage baisse, malheureusement, ce n'est pas la création d'emplois pérennes, c'est une explosion de la précarité de l'emploi. Les 107 000 emplois nets créés, je crois, au dernier trimestre 2021, 2/3, c'est de l'intérim, c'est des emplois courts. Et donc, ça vous Mais le chômage baisse. Bah, au prix de la précarité, c'est statistiquement, ce que c'est-à-dire que Jérôme Cadet, demain, vous acceptez un emploi d'une journée, par exemple, d'accord ? Vous sortez des statistiques du chômage, et quand on vous présente la baisse du chômage, en réalité, vous y êtes retourné. D'ailleurs, je veux vous dire qu'avec la politique qui a été menée pendant 5 ans par Emmanuel Macron, où d'un côté on a diminué les droits des travailleurs, où de l'autre côté on a fait des chômeurs les responsables de leur chômage avec la réforme de l'assurance chômage, alors qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Cette politique-là ne peut pas relancer l'emploi et l'activité. Si vous me permettez d'un mot, avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons un plan pour le plein emploi qui consiste, un, à dire la productivité a beaucoup augmenté ces dernières décennies. Il faut reprendre le mouvement interrompu de la baisse du temps de travail. Quand vous voyez les sommes Emmanuel considérables... Emmanuel Macron dit dans sa lettre, il faudra travailler plus. Ben, c'est un désaccord total. C'est-à-dire que dire aujourd'hui aux Français, comme M. Macron le fait, il faudra travailler plus, ça veut simplement dire que M. Macron n'a pas l'intention de faire l'essentiel de ce qui doit être fait, partager la richesse produite. Ce pays produit 2300 milliards d'euros par an. Et cette valeur est extrêmement mal répartie. Enfin, regardez, je sais que c'est banal, même peut-être à votre micro sur France Inter, de recevoir des responsables politiques de gauche qui fustigent les dividendes versés aux actionnaires. Mais tout de même, dans la période que nous vivons, ça a été record. Vous avez 70 milliards d'euros versés aux actionnaires. Le bilan de M. Macron, c'est le fait qu'aujourd'hui, 5 personnes, 5 milliardaires dans ce pays, possèdent autant que 27 millions de Français, 40% de la population. Donc, dire qu'il faut travailler plus longtemps, c'est dire qu'on ne va pas partager les richesses. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous allons, nous, au contraire, nous occuper de partager les richesses pour éradiquer la pauvreté et relancer l'emploi par d'autres bases que l'emploi précaire que développe Emmanuel Macron. Vous appelez au débat, vous demandez à ce que le chef de l'État descende dans l'arène, en quelque sorte, mais cette campagne, elle est évidemment très délicate pour vous, Adrien Quatennens, vous l'avez dit. Il est aussi chef des armées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'abîmer l'image du président de la République dans ce contexte international qu'on connaît? Disons qu'il y a incontestablement une précaution, c'est que évidemment dans ce contexte où y compris la France est engagée dans des discussions diplomatiques, il faut essayer d'être disons sobre dans ses interventions. Mais par contre, ça ne doit pas nous exonérer de dire ce que l'on ferait et d'analyser les erreurs des 10 dernières années passées qui nous ont conduit à la situation que nous avons sous les yeux. On va en parler. Mais par exemple, le fait que la France soit toujours dans cette alliance de l'OTAN, ce qui fait que quand M. Poutine reçoit M. Macron, il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui ne tient pas les clés entre les mains. Il sait qu'il n'a pas quelqu'un qui est en capacité de débloquer la situation. Quand nous appelons à une France non alignée, indépendante, au seul service de la paix, c'est pour faire en sorte que, quels que soient nos interlocuteurs, ils nous considèrent comme fiables. Voilà, donc ces questions-là, elles sont aussi importantes dans l'élection présidentielle. Et de ce point de vue, l'élection arrive à point nommé. Donc il faut qu'on puisse débattre de cela, mais aussi de tout le reste. Parce qu'il ne faudrait pas que, derrière le statut de chef de guerre, M. Macron soit exonéré d'assumer son bilan sur la pauvreté qui a monté dans ce pays. C'est 400 000 personnes sous le seuil de pauvreté en plus en un quinquennat, 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire en France. Il a aussi... On a l'impression, quand on lit ce courrier, que depuis sa tour de verre, Emmanuel Macron nie complètement la souffrance profonde qu'il y a dans ce pays. Les gens souffrent. Mais il a aussi, Emmanuel Macron, un bilan diplomatique et en matière internationale. Comment est-ce que vous jugez son action en ce moment au sujet de la guerre en Ukraine? Écoutez, on peut dire qu'il a eu des mots tout à fait raisonnés quand il est intervenu l'autre soir à la télévision. Par exemple, en rappelant que nous ne faisons pas la guerre à la Russie, en saluant le peuple russe, y compris qui manifeste contre les choix détestables de Vladimir Poutine. Pour le reste, nous le disons, tant que la France restera arrimée à cette alliance qui est l'OTAN, qui est l'alliance qui dépense 1031 milliards d'euros de dépenses militaires, dont 700 sont le fait des seuls Américains, eh bien nous ne serons pas vécus sur la scène internationale comme ce que la France devrait être, c'est-à-dire une puissance médiatrice au service de la paix. Voilà. La France assurera seule sa sécurité si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République? En tout cas, elle retrouvera une indépendance pleine et entière pour pouvoir ne dépendre en effet de personne, être non alignée. Mais elle sera seule pour assurer sa sécurité face aux menaces. Elle créera les conditions de pouvoir être indépendante, en effet. C'est une nécessité. Vous savez, aujourd'hui, par exemple... Indépendante, mais seule. L'appartenance à l'Alliance, aujourd'hui, et c'est pas seulement Jean-Luc Mélenchon qui le dit, écoutez par exemple ce qu'a pu dire le général Desportes, l'appartenance à l'Alliance de l'OTAN, aujourd'hui, explique par exemple que les budgets de défense nationaux fondent comme neige au soleil. C'est un problème. Et en plus, avec des alliés dont on voit bien qu'ils ne sont pas aussi fiables qu'ils n'y paraissaient. Le général Desportes disait lui-même, dans les colonnes d'un journal, que l'existence de l'OTAN est une organisation qui maintient, voire développe les tensions en Europe. C'est un avis, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, disait il y a quelques jours, sortir de l'OTAN, c'est insensé, débile, cela tombe au pire moment. Fin de citation. Ça veut dire plus de solidarité aussi avec les pays de l'Est, de l'Europe? Mais écoutez, bien sûr que si, une solidarité, mais pas arrimée dans cette alliance. Pas automatique. Qui a quand même des objectifs particuliers. Si vous voulez, l'état du monde que nous avons aujourd'hui, c'est d'un côté des États-Unis, une puissance économiquement déclinante, qui tient sur la scène internationale avec le fait, un, que le dollar reste à cette heure la principale monnaie de réserve et d'échange, deux, par cette expansion militaire tous azimuts qui fait que les États-Unis ont des dépenses militaires considérables et embarquent le monde entier, en tout cas leurs alliés. Tous azimuts, c'est-à-dire? Écoutez, vous voyez bien que l'avancée de l'OTAN toujours plus avant à l'Est a participé du conflit que nous avons sous les yeux. Ne pas le dire, c'est ne pas voir la réalité. Ce n'est pas le seul sujet, mais il y a au moins deux enjeux sur place. La question de l'extension de l'OTAN et ensuite la question des frontières dont Jean-Luc Mélenchon dit depuis 10 ans, quoi que vous en pensiez, il y a une dizaine d'endroits sur le vieux continent où régulièrement la question des frontières revient et fait naître des tensions. Soit vous en parlez de manière diplomatique dans le cadre, par exemple, d'une conférence internationale des frontières comme nous l'avions proposé, soit vous prenez le risque de voir s'envenimer des tensions. Le peuple ukrainien n'a pas le droit de défendre ses frontières, Évidemment que si, d'ailleurs. Enfin, attendez, ça c'est une évidence absolue et c'est tout le problème. Faudrait sur un coin de table rogner un peu de l'Ukraine. Surtout pas. Si c'est ce que vous comprenez de mon développement, il faut que je m'y reprenne. Le caractère intangible des frontières est non négociable. Dès l'instant où Vladimir Poutine envahit l'Ukraine, passe les frontières, il viole le droit international, il choisit en plus un mode de règlement des conflits qu'on n'avait pas vu en Europe depuis des décennies, la guerre, alors que pour nous, la seule boussole doit être la paix et tout doit aller à la diplomatie. Il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit. L'issue doit être diplomatique, sinon on met le doigt dans le risque d'une guerre nucléaire totale dont personne ne peut raisonnablement vouloir. Vous savez, les effets de manche sur les plateaux de télévision et les guerriers de plateaux télé, ça va très bien. Y a mais pas que attention ça. À l'escalade. Il faut être extrêmement vigilant. Notre boussole doit être la paix et on doit tout faire pour y concourir. Il n'y a pas que ça, Adrien Quatennens. Quand on entend les témoignages d'Ukrainiens, ils appellent à l'aide. Ils appellent à l'aide pour qu'il n'y ait plus de bombardements dans leur ciel et sur leur tête. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez raison. Alors, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on prend des initiatives qui peuvent augmenter la pression sur Vladimir Poutine et la petite clique d'oligarques qui l'entourent, parce que ce n'est pas au peuple de payer pour quelques dirigeants qui prennent ces décisions. Et donc, on doit accroître la pression sur les oligarques. Par exemple, saisir, réquisitionner les biens et les avoirs, y compris en France. Un yacht a été saisi à la Ciotat hier. Ce qu'on a commencé à faire. Mais il ne faut pas être dupe. C'est même parfois, si c'est frustrant, et que quand on voit la souffrance du peuple ukrainien qu'il faut saluer, et la résistance du peuple ukrainien, on aurait envie, en effet, de les aider plus avant. Mais il faut être extrêmement vigilant dans tout ce qu'on fait, parce que notre seule boussole doit être de concourir à la désescalade et d'éviter l'embrasement général. Donc, en l'espèce, il nous faut, oui, exiger un cessez-le-feu, le retrait des troupes russes de l'Ukraine où elles n'ont absolument rien à faire. Et nous appelons, Jean-Luc Mélenchon appelle la France, Emmanuel Macron, à prendre une initiative diplomatique radicale, par exemple en convoquant une session extraordinaire de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe pour revenir à la table des négociations. Vous avez entendu Vladimir Poutine hier. Il a parlé de nazis à 10 reprises. Il estime que l'Ukraine est une anti-Russie créée par l'Occident. Il ne va pas s'arrêter parce qu'il y a une réunion de l'OSCE. Mais alors, parce qu'on Cadet, a un peu élargi les sanctions. Jérôme Cadet, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en l'espèce, la seule solution que nous ayons, c'est d'accroître la pression sur lui et sur les dirigeants qui l'entourent d'un point de vue économique. Et je vois d'ailleurs que ça produit ses premiers effets. Mais nous devons être extrêmement vigilants pour ne pas nous-mêmes mettre le doigt dans un embrasement général qui pourrait nous mener à la guerre nucléaire. Vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit ? Des bombardements à proximité d'une centrale nucléaire. Je rappelle que sur le territoire ukrainien, c'est 15 réacteurs nucléaires. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et la France a une parole singulière à tenir sur la scène internationale. Et nous avons, avec Jean-Luc Mélenchon, cette intention de bâtir, de construire la paix. Vous devez entendre que la paix, ça n'est pas un état de fait, une constatation. La paix, c'est une construction politique et tout doit aller à la diplomatie. Cette guerre, Adrien Quatennens, elle a des conséquences économiques concrètes pour les Français, notamment sur les prix de l'énergie qui s'envolent dans plusieurs stations-service du pays. Ce matin, le litre de sans-plomb dépasse les 2 euros. Alors, ça n'est rien du tout par rapport aux souffrances endurées par les Ukrainiens, évidemment, mais c'est le quotidien des Français. Jean-Luc Mélenchon, élu dans 5 semaines, que ferez-vous ? Écoutez, il faut bien avoir en tête que les sanctions économiques, si elles sont nécessaires et si nous souhaitons en particulier les appuyer sur les oligarques, elles vont avoir des conséquences également pour nous. Je rappelle que les Russes se sont beaucoup préparés depuis 2014 à amortir ces sanctions économiques et que quand on parle par exemple de couper la Russie du système international SWIFT, eh bien on doit avoir en tête que les Russes et les Chinois ont mis en place un système alternatif. Avons-nous intérêt à la constitution d'un bloc chino-russe qui, en quelque sorte, viendrait derrière contrevenir à nos propres intérêts? La question mérite d'être posée. Je rappelle que la dernière fois, les sanctions économiques, ça a coûté au total 8 milliards à nos propres agriculteurs. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir l'achat des Français? Il va falloir amortir le choc. Et pour ça, Jean-Luc Mélenchon propose, déjà dans un contexte d'inflation, avant même le conflit qui va sans doute l'aggraver, la question du blocage des prix. Vous savez, jusqu'au milieu des années 80, les prix étaient régulés en France. Et à l'heure où on se parle, dans les Outre-mer, il y a aussi cette régulation des prix. On doit pouvoir faire la même chose ici, en France hexagonale. C'est-à-dire faire en sorte de pouvoir bloquer les prix des biens de première nécessité. Je pense par exemple au prix de l'énergie. On a proposé aussi le prix de 5 fruits et légumes parce que chaque jour les Français ont des injonctions à prendre soin d'eux en mangeant. Mais personne ne se pose la question de savoir s'ils ont les moyens de se les payer. Donc oui, réguler, bloquer les prix, ce n'est pas nécessairement une mesure pérenne. En tout cas, c'est une mesure qui permet de répondre à l'urgence. Qui paye la différence, vous voulez dire, regardez, dans le cas de l'énergie, c'est simple. Plutôt que de verser des chèques de 100 euros et de mener des politiques à coups de petits chèques qui sont financés par le contribuable, en quelque sorte, et les impôts, enfin, regardez, Total qui vient d'annoncer un résultat net de 15 milliards, qui est également un record. Ne peut-on pas les mettre à contribution? Si, nous le pouvons. Il est temps de dire que le capital s'est beaucoup servi. Maintenant, c'est l'heure du travail et nous allons rééquilibrer tout cela. Et la priorité, c'est de soulager les gens. Et par exemple, le fait de dire on va augmenter les salaires, augmenter le SMIC à 1400 euros net, faire en sorte que dans une même entreprise, l'écart ne soit pas supérieur à 1 à 20, ou créer cette garantie dignité qui fait que plus personne ne devrait vivre en France sous le seuil de pauvreté. Nous avons l'intention, voyez-vous, de porter les minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1063 euros. Et ça se finance assez simplement, par exemple avec le fait qu'on instaure l'impôt universel pour aller récupérer l'argent de celles et ceux qui se sont évadés fiscalement. Mais vous entendez les patrons de petites et moyennes entreprises notamment qui disent nous, les négociations salariales, là dans le contexte avec le renchérissement des coûts de l'énergie, ça ne sera pas possible, on ne pourra pas les mener à terme. Les petites et moyennes entreprises doivent être évidemment accompagnées, et y compris il y a des questions de solidarité entre grandes entreprises et petites qui doivent être pensées, parce que tout de même, vous avez vu qu'en pleine pandémie, on a versé des dividendes de manière record. 70 milliards de dividendes versés l'année 2021. Et là, vous repartez sur les grands groupes. Oui, mais tout ça est lié parce que vous savez que les PME, les TPE, elles sont extrêmement dépendantes de l'écosystème qui est mené par les grands groupes. Donc, nous avons besoin, en effet, de réguler tout cela, et y compris d'en appeler à une taxe sur les profiteurs de crise, celles et ceux qui se sont beaucoup enrichis pendant cette période de pandémie. Sur la fiscalité, vous savez, à chaque élection présidentielle, c'est la même rengaine. On a le grand patronat de ce pays qui vient avec sa sébile nous dire « s'il vous plaît, baissez nos impôts de production, etc. etc. » Ils oublient aussi de rappeler que la France est un des pays qui dépense le plus d'argent public pour accompagner ses entreprises. Juste deux chiffres éclairants. Et après, nous accueillons les auditeurs. C'est 240 milliards d'accroissement du patrimoine des milliardaires pendant la crise, d'accord, 240 milliards. Il se trouve que peu ou prou, c'est le même montant qui a été dépensé par l'État en aide Covid. On a 140 milliards de déficit dans ce pays, déficit public. 140 milliards, c'est à peu près le montant des aides publiques sans contrepartie qui ont été versées aux entreprises. Le CICE, le crédit d'impôt recherche. Bon, nous, on a besoin de faire autre chose que cette politique de l'offre, de gouverner par les besoins. De quoi le pays a besoin? Comment on crée les conditions d'y répondre? Et notamment ce grand défi devant nous, qui est la question climatique, dont le rapport du GIEC nous rappelle combien nous ferions bien de nous en mêler. Nous accueillons Gilles au Standard de France Inter, qui nous appelle de Nice. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Sur le plan national, j'ai beaucoup plus de convergence que de divergence avec les insoumis. Néanmoins, de la même façon qu'on ne peut pas échapper au climat, on ne peut pas échapper à la géopolitique internationale. Et effectivement, le président français a les pleins pouvoirs, en quelque sorte, sur l'international. Or, je suis très, très, très dubitatif sur la position de M. Mélenchon, président, dans ces conditions. On l'a vu il n'y a pas longtemps dire que le gros responsable, c'était pas Poutine, mais qu'il avait raison d'essayer de défendre ses limites. Il y a 10 ans, dans là-bas, si j'y suis, une dizaine d'années à peu près, M. Mélenchon défendait avec une grande sinophilie les attitudes des Chinois, de la Chine, pardon, pas des Chinois, de la Chine, du pays de la Chine, vis-à-vis du Tibet. Aujourd'hui, comment convaincre des gens comme moi que dans un éventuel second tour, si c'était lui le candidat de gauche qui était là, comment faire abstraction de l'importance de la géopolitique? Moi, j'aurais des gros doutes quant à ma capacité à franchir ce pas. Merci Gilles. Réponse d'Adrien Quatennens. Bonjour Gilles. Bon, d'abord, je tente de vous convaincre. Je vous redis qu'en toutes circonstances, toujours, la boussole de Jean-Luc Mélenchon a été comment concourir, comment construire politiquement la paix. Et ça passe y compris par le fait d'assumer la discussion avec des régimes avec lesquels nous n'avons rien à voir et avec lesquels nous ne pouvons pas être confondus. Quand j'entends par exemple Madame Hidalgo reprendre quasiment la terminologie de l'extrême droite contre Jean-Luc Mélenchon en parlant d'agents pro-russes. Elle devrait se rappeler que Jean Jaurès, quand il voulait éviter la guerre face à l'Allemagne, il était traité d'agent allemand. Nous n'avons jamais été, par exemple, pro-Poutine pour la raison que ça n'est pas dans nos moyens. Jean-Luc Mélenchon, il est écologiste, anticapitaliste. Il ne peut d'aucune manière être confondu avec le régime russe, qui est un régime d'autocrate. D'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon va à Moscou, il rencontre des dirigeants de l'opposition qui ont fait de la prison sous Vladimir Poutine. Voilà. En revanche, ce que nous disons, c'est que Il y a des phrases qui restent dans l'oreille, Adrien Quatennens. Lesquelles, par exemple, mars 2012. Je considère que ce sont les États-Unis qui sont dans la position agressive et non écoutez, pas la Russie. Jérôme Cadet, il y a encore très peu de temps, François Hollande disait « la Russie n'est pas une menace ». Il y a encore quelques jours avant l'invasion, le président Zelensky lui-même, dont il faut saluer le courage dans ce qui est en train de se passer, disait qu'il n'y avait pas d'invasion imminente. Monsieur Macron lui-même... C'est pas la même chose. On a vu. Non mais ce que je veux dire, c'est que voyez, l'extrême droite française, la droite française, a des accointances idéologiques de fond avec M. Poutine. Quand, par exemple, M. Zemmour dit « il nous faut un Poutine français et en plus, j'accueille pas les réfugiés », là, on peut dire qu'ils sont dans le même panier. Mme Le Pen, qui l'a rencontré en d'autres circonstances, également. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, d'aucune manière, ne peut être lié à ce régime. Nous n'avons strictement rien à voir avec eux. Par contre, dire que oui, l'avancée de l'OTAN, toujours plus à l'Est, pose un problème et est vécu comme un problème de sécurité pour les Russes. Je veux dire, ne pas le dire, c'est simplement ne pas voir la réalité. Et si vous ne supportez pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui le dise, écoutez ce que raconte en effet un Dominique de Villepin, un Hubert Védrine. Est-ce que ça peut être un handicap électoral, Adrien Quatennens ? Gilles nous dit, moi j'ai des accords avec vous sur beaucoup de sujets. Bien sûr. Mais sur ce sujet-là, c'est un blocage. Mais écoutez, je crois que si c'est un blocage, c'est que les choses sont mal entendues, mal comprises, et je vous demande de, dans tous les cas, celles et ceux qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon, je le dis haut et fort à ce micro ce matin, vous n'avez aucune raison, d'aucune manière, de douter des positions qu'ont été les nôtres. Nous voulons construire le camp de la paix, et nous savons par quoi cela passe. Ça passe d'abord, en effet, par une analyse claire de la situation, qui consiste à dire que ce qui nous a mené au désastre que nous avons sous les yeux, c'est-à-dire le retour de la guerre en Europe, outre la folie de Vladimir Poutine, qui a fait ce choix de la guerre pour régler les conflits, alors que nous en appelons à des règlements des conflits par la diplomatie, il y a la question des frontières, des accords de Minsk qui n'ont pas été respectés d'une part, et évidemment, oui, la question de l'extension de l'OTAN dans cette alliance dans laquelle la France n'a normalement plus rien à faire pour pouvoir jouer son rôle à l'international. J'en profite pour vous appeler ce dimanche 6 mars à Lyon, à 15h, sur l'esplanade du Gros Caillou, à un grand meeting que nous allons faire avec Jean-Luc Mélenchon pour la paix. Le rendez-vous est pris et noté, Adrien Quatennens. Dernière question de beaucoup d'auditeurs d'Inter ce matin, notamment Charlie à l'instant. Allez-vous contacter Sandrine Rousseau afin de la rapprocher de votre parti, la France Insoumise? Sandrine Rousseau, qui a été exclue de la campagne de Yannick Jadot, elle qui était la finaliste malheureuse à la primaire des Verts. Vous savez, Sandrine Rousseau, pour ce que l'on connaît d'elle, est un personnage qui sait précisément ce qu'elle a à faire et qui n'a, je crois, pas besoin qu'on lui donne quelques conseils. Elle sait ce qu'elle a à faire et en toute hypothèse, elle le fera. Mais rien de particulier. Je pense que c'est certaines de ses convergences avec Jean-Luc Mélenchon sont nettes et qu'elle le dit depuis un certain temps. Je la laisse faire ses choix librement parce que je crois que Sandrine Rousseau, de toute façon, nécessairement fait cela et rien d'autre que cela. Mais j'attire votre attention juste d'un dernier mot sur le fait que dès lors que Jean-Luc Mélenchon est devant Valérie Pécresse dans de nombreux sondages, la question qui est aujourd'hui posée à moins de 40 jours du premier tour de l'élection, c'est face à Monsieur Macron, que voulez-vous ? Est-ce qu'on rejoue 2017 avec l'extrême droite face à lui ou est-ce qu'on y envoie le camp de la rupture démocratique, sociale et écologique que nous incarnons ? Voilà, merci, le second tour vous est possible. Merci Adrien. Merci de m'avoir invité. Député de la France Insoumise, député du Nord, invité de France Inter ce matin. Ce sont nos jours heureux, mais on le sait si peu. Les vaches sont au pré et la pomme au pommier. L'enfant qui court devant aura bientôt 5 ans. On parle d'avenir, de terrain à bâtir. Ce sont nos jours heureux, mais en ouvrant les yeux, ils ont comme un drôle d'air d'avant la guerre. Ce sont nos jours heureux, mais on le sait si peu. Les vaches sont au pré et la pomme au pommier. L'enfant qui va devant aura bientôt 10 ans. La maison est bâtie, mais elle n'est pas finie. Ce sont nos jours heureux et l'on prie le bon Dieu pour qu'il n'ait plus cette ère avant la guerre. Ce sont nos jours heureux, mais on le sait si peu. Le petit est entré à l'université. Les routes sont rangées le long des peupliers. Et nous deux séparés, on est resté fidèles. Ce sont nos jours heureux, mais comme c'est curieux, la radio joue un air d'avant la guerre. Ce sont nos jours heureux, mais on le sait si peu, les vaches sont au pré, et à promos. La guerre en Ukraine qui fracture un peu plus la gauche. Dimanche, Jean-Luc Mélenchon dédiait son meeting à Lyon à la lutte pour la paix. Nous portons un message à cet instant. Stop à la guerre ! Et c'est ce que j'incarnerai si vous m'élisez comme président de la République. Une France non alignée qui n'accepte pas la violence des armes. Yannick Jadot, le candidat écologiste, réagissait sur Radio. J'ai entendu le discours de Jean-Luc Mélenchon, y compris maintenant il se prend pour Jean Jaurès. Mais Jean Jaurès, il doit hurler dans sa tombe. Il doit hurler dans sa tombe. Vous imaginez Jean Jaurès défendre des crimes de guerre et se faire un immense écran de fumée en disant paix, paix, paix, quand il s'agit d'abord de refuser des sanctions massives contre Vladimir Poutine, quand il s'agit de refuser d'armer la résistance ukrainienne. Mais heureusement que les Anglais et les Américains ont armé la résistance française. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, vous faites hurler Jean Jaurès dans sa tombe, vous reproche Yannick Jadot, et pourtant vous persistez et signez, il ne faut pas armer la résistance ukrainienne. C'est-à-dire qu'il faut que la guerre s'arrête le plus rapidement possible. Poutine est l'agresseur, il doit retirer ses troupes. Maintenant, la question, c'est qu'on a face à cela une puissance extrêmement dangereuse, une puissance nucléaire, même si c'est... puissance militaire déclinante, mais qui reste quand même le deuxième arsenal nucléaire. Et il faut que ce que nous fassions ne rajoute pas une spirale à la guerre. Et donc, nous sommes favorables, contrairement à ce que dit Yannick Jadot, mais il le sait, mais c'est pas grave, comme il est en présidentiel, il est bon de dire tout et n'importe quoi. Kipling disait, une des premières victimes de la guerre, c'est la vérité. Nous sommes pour des sanctions. Notamment, moi, j'ai lu l'économiste, vous l'invitez parfois, Thomas Piketty. Très intéressant ce qu'il dit. Il estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 personnes oligarques russes qui ont une fortune équivalente et supérieure à 10 millions d'euros, sans aucun doute accumulée en raison de la proximité avec Poutine. C'est une kleptocratie, hein. Aujourd'hui, la Russie, c'est un système ultra-capitaliste. Il dit, pour 20 000, au moins, ont des avoirs, qu'il estime à moitié, en Europe et particulièrement en France. Allons-y. Moi, j'ai vu Jean Castex à l'Assemblée nationale nous dire l'autre jour qu'au niveau européen, pour l'instant, on estime 647, je crois, dit Castex, personne qui pourrait être saisie. Et pour l'instant, si j'ai des sottises, corrigez-moi, je crois qu'à part un yacht à La Ciotat, on est dans l'incapacité de saisir quoi que ce soit vis-à-vis de ces gens. Eux, c'est l'entourage de Monsieur Poutine. Eux, il faut s'en prendre à eux, pas faire mal au peuple russe qui, en plus, et on applaudit tous, ils manifestent contre Poutine. Donc c'est ça la question. Comment on arrive à avoir des sanctions économiques efficaces? Oui. Et faire attention à ce que, évidemment... On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Hein. C'est la position de votre candidat. Mais ça veut dire qu'on laisse celle d'Emmanuel le président... Macron aussi. Hein. Ça veut dire qu'on laisse le président Vladimir Poutine c'est celle d'Emmanuel poursuivre Macron. Sa guerre. Non, mais c'est celle d'Emmanuel Macron qui, à ma connaissance, a dit il n'y a pas longtemps nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Pourquoi isoler la position de Jean-Luc Mélenchon? Emmanuel Macron est lui d'accord pour l'envoi avec l'Europe d'armes défensives. Oui, c'est pas si simple. La France, parce qu'on a des armes défensives pour l'essentiel, c'est des gilets pare-balles, etc. Et quelque part, la France a raison de ne pas en rajouter. Je veux dire, que les choses soient claires, qu'est-ce que nous voulons? Quelle expérience nous avons? Il faut aller... Parce qu'à quel niveau on fixe ces armes? Je pose la discussion. Ça s'arrête tout. Parce qu'au bout d'un moment, nous avons là une puissance qui a des chars, donc on va nous aussi envoyer des chars. S'il faut vraiment, c'est la solution militaire. Ce sont des armes défensives. C'est des armes anti-chars. D'accord, mais si c'est pas efficace. Et aussi des missiles, des Stinger, des missiles anti-aériens pour descendre des avions. Ni vous ni moi, on est des experts militaires. Et si c'est pas efficace, on envoie quoi après? L'aviation française, l'armée française, c'est une spirale. Vous aimez l'histoire comme moi. On sait très bien que si on commence, c'est une spirale qui entraîne. Et après, on se retrouve dans un endroit où il y a 16... aujourd'hui, base nucléaire et qu'on appelle ça centrale nucléaire, il y a quand même Tchernobyl. Là, on rentre dans une spirale extrêmement dangereuse où c'est une guerre mondiale qui peut arriver demain. Et moi, je n'en veux pas. Donc, c'est le moment de parler clair. Ce que dit Jadot ou d'autres, vous savez, c'est classique. c'était le cas, je me compare pas, pour le coup, puisqu'il a parlé de Jaurès. Jaurès aussi, c'était un agent de l'Allemagne, agent du Kaiser. Et puis même François Mitterrand en 81, c'était soi-disant l'agent de l'Union soviétique, les chars alliés. Toujours, la gauche s'est fait traiter comme étant un agent de l'étranger quand elle était non alignée, je dis bien non alignée, notamment vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. C'est le vieux vocabulaire de la gauche. Nous souhaitons une France indépendante, qui est un facteur de paix. Qu'est-ce que c'est qu'on veut? À l'heure actuelle, c'est pouvoir créer les conditions que ça, que, même si c'est un vœu évidemment difficile. Pieux, oui, mais presque. Pieux, du moins attention, une capacité à dire, voilà, on a parlé de convoquer une conférence de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, reparler des frontières, pour une stabilité des frontières. Ça fait 10 ans que Jean-Luc Mélenchon, et pour quelle raison, là-dessus, on va avoir un point de désaccord, c'est qu'il y a quand même cette vieille histoire sur l'OTAN. Ah, et là, on y vient. Je vous tends la main, si je puis dire. C'est l'OTAN qui est responsable, ouais. Non, bah, j'ai pas terminé. Allez-y. Et moi, la dernière fois, vous aviez évoqué, quand vous avez, ici même, le général Desportes. J'ai regardé l'émission parce que mon ami Adrien Quatennens c'était là. Et, cher Patrick Cohen, vous étiez choqué à l'idée que, vous disiez le général Desportes, que lorsque le bloc soviétique s'était effondré, il y avait eu quand même des conversations assez poussées avec les autorités de l'époque. Et il avait été évoqué, notamment de la part des États-Unis d'Amérique, que l'OTAN ne ferait pas progresser ses positions. Ça, c'est une réalité historique. Des archives déclassées aujourd'hui le disent. C'était des conversations orales. Oui, pas mais qui avaient leur importance. Il n'y avait pas d'accord. Qui avaient leur importance, parce que quand on connaît la géopolitique, quand un empire s'effondre historiquement, ça a toujours été facteur de guerre. Honnêtement, Alexis Corbière, je vous en prie, soyons honnêtes. C'est des discussions passionnantes, mais c'est complètement dérisoire à côté de ce que Poutine est en train de faire à l'Ukraine, à un pays, et qui dit ça, à un pays libre. Souverain, oui. Démocratique, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une guerre comme ça entre deux belligérants qu'on pourrait renvoyer dos à dos. Évidemment, qui a renvoyé dos à dos? Qui a renvoyé? Non, mais d'une certaine façon. Prenez-moi au sérieux. Je ne renvoie personne dos à dos. En expliquant que Poutine est l'agresseur, mais l'OTAN est responsable de cette agression. Non. Vous les renvoyez dos non, à dos. Vous me prêtez là. Attendez. On va parler sérieusement. Voilà. Je n'ai pas dit ça. J'aimerais. Non, mais attendez. Allez au bout de votre phrase. Jetez-moi des pierres sur ce que je dis, s'il vous plaît. L'agresseur s'appelle Vladimir Poutine. Cet homme est dangereux. C'est pas le problème. Maintenant, il s'agit de comprendre. Sinon, si on est uniquement dans, donc, pour quelle raison il y a eu cette accumulation de tensions? Oui. D'accord? Y compris un homme comme Kinnan, je vous donne des arguments qui ont déjà circulé plusieurs fois, qui était un des conseillers des présidents américains, qui était vraiment un ultra-conservateur, un anticommuniste profond, a toujours considéré que, attention, l'OTAN, qui par ailleurs avait été créé à une époque où il y avait le bloc soviétique, ne devait pas faire avancer cette position. Ce débat n'a plus lieu d'être aujourd'hui. J'admets. Parce que l'OTAN, je vous donne le point. L'OTAN ne menace personne. Et à ma connaissance, elle n'a jamais menacé personne en Europe. Alors qu'aujourd'hui, il y a une armée qui est en train d'envahir et de détruire, voire d'exterminer tout un peuple de plus de 40 millions d'habitants. Mais regardez-moi, écoutez-moi. Qu'est-ce qui empêche de dire Vladimir Poutine porte la responsabilité et de dire que si on veut le retour à la paix, demain, il faudra aussi discuter de où est-ce qu'il y a, notamment où sont les frontières, qu'on en discute, et y compris qu'on discute de cette affaire-là. Vous poser la question. On peut réfléchir en période de guerre. La guerre, c'est de la politique. Réfléchissons. Jean-Luc Mélenchon à Lyon, l'autre jour, a répété que lui, président, il ferait sortir la France de l'OTAN. C'est un débat intéressant et c'est un débat qu'on peut avoir. Mais est-ce que, aujourd'hui, ça n'est pas le pire moment pour sortir de cette alliance qui nous protège face à la menace soviétique. Dans votre programme L'Avenir en commun, il est écrit, je cite à peu près de mémoire, l'OTAN aujourd'hui n'a plus lieu d'être puisque nous n'avons plus d'ennemis. Est-ce qu'on pourrait dire cette phrase aujourd'hui compte tenu de ce qui se passe à 3 heures de Paris? Je vais vous donner le point sur un aspect, c'est qu'aujourd'hui le meilleur soutien de l'OTAN, si je puis dire, s'appelle Vladimir Poutine. Celui qui empêche cette discussion, c'est Vladimir Poutine par son attitude d'agression. D'accord. Actuellement, c'est sans doute difficile d'avoir cette discussion. Il n'empêche qu'il faut avoir tranquillement, si ce que je souhaite, en plus j'ai vu qu'aujourd'hui M. Zelensky dit des choses, enfin, je veux dire franchement, la solution diplomatique, il faut qu'elle avance. Il faudra qu'on ait cette discussion par la suite. Peut-être que là, dans la chaleur des événements, évidemment, il s'agit d'avoir des positions claires de soutien à nos amis ukrainiens. C'est pas le sujet. C'est pas seulement la chaleur des événements. Parce qu'il y a la guerre. Ça, face à la folie guerrière de quelqu'un avec qui il ne semble pas possible aujourd'hui de discuter, de trouver un compromis. Mais cher Patrick, le monde n'est pas si simple. Par exemple, la guerre au Yémen. On en parle. Ça fait 7 ans. Est-ce que les Français savent, vu que tous on est indignés par ces images de guerre, que depuis 7 ans, il y a une guerre qui a fait 370 000 morts? Dans lequel la France vend des armes à l'Arabie Saoudite. Je suis intervenu comme parlementaire plusieurs fois pour m'indigner du fait que nous vendons des armes. Donc le monde n'est pas un monde de paix dans lequel, d'un seul coup, M. Poutine vient de... C'est plus compliqué que ça. Ah donc, moi, je veux le désarmement général. Vous comprenez ce que je dis? Et je pense que pour nous faire entendre aujourd'hui, dans un monde de tension où les États-Unis sont en difficulté, notamment dans leur endettement, il y a une tension avec la Chine qui est en train d'avoir lieu. Nous, on doit pouvoir avoir une capacité de parole indépendante pour éventuellement, dans ces moments de tension, être un facteur de paix et de discussion diplomatique. Alors, c'est pour ça que nous... Il me semble qu'Emmanuel Macron... Indépendante comment? Puisque vous proposez des alliances altermondialistes pour, à la place de l'OTAN. Par exemple, altermondialiste avec qui? Quelle puissance? Avec ceux qui le voudraient, avec ceux qui veulent discuter. Mais pour quelle raison? Nous avons besoin d'être dans une alliance militaire permanente sous domination des États-Unis? Si la France sort de l'OTAN, nous serions à peu près seuls avec l'Autriche, la Suisse pour très longtemps la Suède et la Finlande. Et s'il le faut, sur certains sujets, nous ferons des alliances selon les circonstances. Le problème d'une alliance permanente, c'est que, premièrement, que les choses soient claires. L'OTAN, juste pour qu'on ait en tête, je vous vois, vous voulez réagir, mais qu'on ait en tête des choses. Aujourd'hui, le budget militaire de la Russie, c'est 63 milliards. Le budget militaire des États-Unis, c'est 12 fois plus. Et avec l'OTAN, c'est 1700 milliards de dollars engagés dans les armes. Donc il y a un déséquilibre très fort. Donc les États-Unis d'Amérique, ils ont leurs propres intérêts. Même dans des détails, vous savez, je siège dans la commission défense et armée, le matériel que nous produisons des armes en France, mais nous devons acheter du matériel compatible avec le matériel américain. C'est aussi un business, l'OTAN. C'est aussi une bureaucratie qui vous a bien été décrite autrefois par le général Desportes, qui s'auto-entretient. Donc nous, on peut avoir une position, comment dirais-je, indépendante, qui fait, s'il le faut, sur certains dossiers, faire alliance avec nos amis américains, nous le ferons. Mais nous pouvons aussi, par moment, ne pas courir derrière les intérêts américains. Parce que c'est aussi un volant d'entraînement de l'économie américaine, l'industrie d'armement américaine. C'est aussi des logiques, en raison notamment d'une évolution et de la situation d'endettement des États-Unis et de la Chine, où il peut y avoir des tensions entre ces deux puissances dans lesquelles nous, on peut faire entendre une voix indépendante. C'est ça l'intérêt de l'indépendance. Ça ne veut pas dire se coucher. Moi, j'en ai assez de me faire traiter de j'ai vu l'audio, M. Antoven nous insulte avec une vulgarité. Il dit qu'on ferait partie du pantalon, du parti du froc baissé. Vous avez un vocabulaire guerrier, violent à l'heure actuelle. Alors que franchement, le général de Gaulle, lui, avait considéré qu'il fallait quitter le commandement intégré de l'OTAN. Ah, c'est pas pareil que de quitter l'OTAN. Non, mais nous, bah oui, d'accord, mais et ça commence par là. C'est ce que nous étions. Et la neutralité quand il y a un fort agresseur et qu'il y a un autre agressé, c'est plutôt prendre le parti de l'agresseur. Voilà. Je précise une chose. Vous avez bien raison. Je termine là-dessus. Et on comprendra, oui. C'est pas la neutralité. Moi, je suis pas neutre. Hein. Je suis du côté des Ukrainiens. Je suis pas neutre. Il y a un agresseur, il y a un agressé. C'est pas le sujet. Maintenant, nous, comme puissance économique, faut aussi que là-dedans, on soit pas entraîné dans la spirale des événements. Parce que là, on touche une plaque sensible, y compris l'Europe, où la question des nationalités, du nationalisme qui monte. Il y a aussi de l'extrême droite en Ukraine. Ça veut pas dire que je suis pas du côté des Ukrainiens, mais cela existe. Il y en a moins qu'en France. Oui. Oui, et puis il y en a beaucoup en Russie aussi, hein. Poutine est un ultra-nationaliste et aussi d'extrême droite. Mais, donc, on est pour calmer tout ça, et je sais qu'à l'heure actuelle, ça peut sembler difficile. La campagne présidentielle en France, hier, en marge de son premier déplacement de campagne à Poissy, le président candidat a expliqué son refus d'un débat direct avec les autres candidats avant le premier tour. Je ferai plusieurs formats qui prennent tous les candidats, mais après, je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Je le reproche. Aucun président en fonction qui se représentait ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais différemment du général de Gaulle, de François Mitterrand, de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy. Vous dire que vous dérobez, que vous avez peur du débat. Je ne me dérobe pas des débats. Plutôt que faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu'ils sont déjà convaincus, je préfère le débat avec les Français, c'est ce que je leur dois. Merci beaucoup. Donc nous étions à ce tout premier débat face aux Français hier soir. 250 personnes présentes pour poser des questions sans concession au candidat Macron. Soirée organisée par le maire de Poissy dans les Yvelines. Carl Olive, soutien d'Emmanuel Macron depuis 2017, qu'il a promis à nos reporters Iban Raïs et Anaïs Recouli. Les Français invités étaient de tous horizons politiques et aborderont donc tous les sujets sans compromis. Chose qu'il répétait d'ailleurs souvent, Carl Olive, avant de tendre le micro. Je veux juste vous dire, Monsieur le Président, je fais une toute petite confidence, mais comme ça, une petite digression. On a posé 8 questions, il y en a 5 qui ont posé les questions, Monsieur le Président, qui n'est pas voté pour vous en 2017. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vais passer la parole maintenant à David Lussault, Monsieur le Président. David Lussault qui a 49 ans, qui est cadre d'entreprise et que vous avez contrarié. Vous vous êtes décidé tard à annoncer votre candidature à votre réélection. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Il y a une question qui va vous être posé sur l'immigration par quelqu'un qui est très en colère, qui s'appelle M. Castori, qui est ici. Bonsoir, Monsieur le Président. Je ne suis pas en colère particulièrement, mais j'accepte la remarque de Karl. Alors voilà pour les moments les plus mordants des questions posées par les Français, les moins convaincus. Après, attention, il y a eu quand même une colle des questions, une question assez pointue, notamment quand cette cadre en banque assurance avait une question sur le plan d'épargne salariale qui consiste à verser à chaque salarié une prime liée à une performance de l'entreprise. Si l'avantage est bien sûr très apprécié, le délai d'attente de 5 ans pour le déblocage est un peu long. Si vous êtes réélu président de la République, monsieur le président, seriez-vous disposé, comme vos prédécesseurs, à permettre le déblocage anticipé pour motif présidentiel ? Sauf que la réponse à sa question semblait moins intéresser cette dame que le fait même de poser la question à Emmanuel Macron. Merci, monsieur le président. D'ailleurs, mes collègues me regardent, ils attendent la réponse. Est-ce que je peux venir à côté de vous pour prendre une photo, s'il vous plaît ? Ça, c'était pas préparé, hein. Voilà, donc aucune relance, aucune contradiction, pas de journalistes qui ont pu poser des questions. Ah, c'est tout, il n'y a pas une deuxième photo, Émilie ? Ah bah, il y a les Français convaincus, beaucoup d'applaudissements, de rire, oui, si, on les a. Merci encore pour votre implication. Je pense que beaucoup de Ukrainiens français sont très fiers de ce que vous faites. Moi, je vous le dis sincèrement. Et enfin, si vous le permettez, je souhaiterais vous offrir un livre que j'ai découvert tout à fait par hasard dans la librairie du Pinceret à Poissy, l'une des plus belles de France de mon point de vue. 93 du Général de Gaulle. Comment vous avez trouvé Emmanuel Macron ? Il est resté à peu près une heure et demie à répondre à vos questions. Vous l'avez trouvé comment ce soir ? Écoutez, j'ai trouvé qu'il était très serein. Je trouve ça assez génial finalement de se rendre disponible. En tout cas, moi, c'est un rendez-vous que je voulais pas louper. Je pense que c'était une rencontre très intéressante avec des questions concrètes et des réponses très concrètes. On n'a pas eu besoin d'avoir des gens debout sur les chaises qui agitent des drapeaux pour avoir en face de nous quelqu'un qui était réceptif aux questions et qui avait les bonnes réponses. Je trouvais ça très pertinent. Donc vous voterez quoi dans 34 jours ? Ah, je voterai encore une fois Macron. Emmanuel Macron qui préfère débattre avec des Français qu'avec ses adversaires politiques avant le premier tour, c'est son droit le plus strict finalement. Non mais bravo pour ce que vous avez fait parce que tout est dedans là, franchement. Et je félicite aussi, je crois que c'est Simon Le Baron de France Inter qui a trouvé des fiches qui étaient données à Monsieur Macron et à Monsieur Olive. Où il y avait la fiche, la photo, la question avait été écrite avant, mais la question carrément... C'était préparé. Alors on va rester en Russie, c'était le village Potemkin, non ? Quand la reine de Russie allait dans des villages, on montrait des gens heureux, bien nourris, etc. Là, c'est pareil. Éric Zemmour a fait exactement la même référence lorsqu'il est venu sur ce plateau il y a une dizaine de jours. Je retire, donc. Non, mais... C'était à propos de Roubaix, hein. Oui, c'était à propos de c'était autre chose, sur Roubaix. Hein, c'était un reportage sur Roubaix. Bon, écoute, non, mais... Plus sérieusement, premièrement, il se trompe quand il dit que les autres présidents avaient dérobé, parce que c'était dérobé à ce type de débat, parce que ça n'existait pas à l'époque, ce type de débat. En 2022, les chaînes d'infos, la présence des médias, c'est pas la même France que les années 80, y compris la fonction présidentielle, c'est plus la même. Moi, je veux dire, l'ultra-monarchie présidentielle, je crois qu'il faut en sortir. Et je pense qu'il a fondamentalement tort de refuser un débat. Bien sûr qu'il servirait sans doute de les questions se concentrer sur lui. Mais ah bon oui. Sang. Non mais oui, d'accord, mais je veux dire, s'il refuse ça, ça veut dire que là, c'est un coup porté contre le débat démocratique. Il a tort, hein. Je veux dire, j'espère que les Français le lui diront clairement. C'est pas possible. On peut pas mépriser. Et puis c'est méprisant, en plus pour les autres. Vraiment pour le coup. Je veux dire, les autres sont pas à sa hauteur, en quelque sorte. Bon. Et ça, je le tolère pas. Ben, j'espère qu'au moins il reviendra sur son idée. Il faut que les débats aient lieu, il faut qu'on puisse le critiquer, il faut qu'il réponde. Il est pas maladroit normalement dans ce genre d'exercice. Non, franchement. Ben et là, ouais, il se ridiculise. Si vous le dites. Non, oui. Mais je veux dire, c'est un compliment signé La France Insoumise, on va pas vous comprendre. Ce que je veux dire, c'est un homme qui, en vérité, il a du ressort. Bon. Qu'est-ce qu'il craint ? Mais je trouve qu'il se ridiculise avec ce genre de soirée. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeaux d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver, c'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, au printemps. J'accueille Alain Criville. Camarades, la campagne que nous menons n'est pas une campagne électorale. Il s'agit d'une campagne essentiellement militante où nous utilisons toutes les possibilités pendant un mois de la légalité bourgeoise pour dénoncer cette légalité devant les travailleurs. Je crois que les militants ici présents ne doivent avoir aucune crainte. Le combat de mai 68, nous le continuerons. C'est la lutte finale. Parler à retrouver Alain Crivine en banlieue parisienne. J'habite là, à Fanny. Je suis un vieux dionysien, comme on dit. Ça doit faire une trentaine d'années que j'habite à Fanny. Le fondateur de la Ligue communiste révolutionnaire continue de mener une vie politique active. Et comme une seconde nature, certaines habitudes n'ont pas été perdues. Quasiment tous les dimanches matin, quand je suis dans la région parisienne, des fois je suis en province ou à l'étranger, avec mon comité du NPA, je participe à la vente, aux distributions de tracts. On est là une heure. C'est assez curieux parce qu'il y a une vie politique à Saint-Denis où tout le monde se connaît. Donc il y a les vendeurs d'humanité qui sont juste à côté, c'est des vieux potes. À côté il y a les anards, il y a lutte ouvrière, il y a tout le monde quoi. C'est une répartition un petit peu de cette rue assez commerçante qui est une rue qui est très proche du marché. Saint-Denis, banlieue nord, son marché et ses coutumes. Où à la fois il y a tous les marchands, plus les marchands à la sauvette. Bon, et quand les flics arrivent, là, tout le monde fout le camp. À un carrefour stratégique, Alain Crivine retrouve ses amis du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, dont il n'est plus qu'un simple membre. Alain Crivine, c'est plus régulier à la vente le dimanche. Voilà. Alain Crivine, militant de la base, en toute simplicité. Vous voulez regarder ? Regardez, oui. Ah, un Inde, il faut l'acheter. Regardez là. Ça, c'est la police qui va les arrêter. Et puis après, ils vont revenir. Et qui dit militant, dit parti, dit réunion. La vie de famille, les petits-enfants, mais aussi, je veux dire, c'est pas contradictoire du tout avec le militantisme, c'est même indispensable. On va boire un pot là, alors, avec ceux qui veulent. Et pour la buvette, direction le bureau NPA de Saint-Denis. Ça, c'est le local de Saint-Denis du NPA, du nouveau parti anticapitaliste. Donc on est près du centre. C'est un petit local qui était une ancienne librairie, qu'on a d'ailleurs peut-être transformé pour pouvoir l'ouvrir au public avec un petit bar, une petite librairie. Mais les assemblées générales, on les fait à la Bourse du Travail, parce que là, c'est trop petit. Ce week-end est pour le moins particulier puisque c'est la fête de l'UMA à la Courneuve. Et forcément, avec Alain Krivine, on y va. C'est un peu drôle parce que pendant des années, bien sûr, quand il y avait la période stalinienne, comme on dit, où le PC ne pouvait pas nous tolérer, c'était des rapports qui n'étaient pas très politiques mais plutôt physiques. On n'avait pas de stand, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis après, ça a changé. Il y a une douzaine d'années, on a commencé à être accepté. Et puis après, c'est devenu normal. C'est-à-dire, on loue, hein, on loue comme tout le monde le stand. Maintenant, ça fait environ 8 ans. Concerts, vendeurs de journaux, majorettes, l'ambiance populaire de la fête de l'UMA est au rendez-vous. La manifestation fait encore le plein et le stand du NPA trône en bonne place. Quand tout à coup, c'est l'émeute. Au-dessus de la mêlée, on aperçoit Arnaud Montebourg venu rendre une visite de courtoisie. Les dirigeants du PS qui vadrouillaient dans la fête avec souvent des services d'ordre de 30 à 40 personnes dénuées de photographes, ça c'est pas tellement le genre de la maison. Et les militants du NPA ne tarissent pas d'éloges à l'endroit d'Alain Krivine. Alain Krivine, c'est un homme très sympathique et très généreux. C'est quelqu'un de très humain, voilà. C'est quelqu'un qui a pas... je pense qu'il est resté le même depuis 30 ou 40 ans, qui dit ce qu'il dit. Voilà, je ne sais pas comment dire, c'est un inamovible. Un inamovible qui fait toujours figure de maître à penser dans la politique d'extrême-gauche. Et maintenant, la lumière se rallume sur Alain Krivine. Bienvenue sur le plateau, tout le monde a parlé. Alors Alain, vous êtes né le 10 juillet 1941 à Paris, en même temps que votre jumeau Hubert. Qu'est-ce qu'il est devenu Hubert ? Il est juste à la retraite maintenant, il était prof de physique nucléaire. C'est une tronche. Oui. Alors vous êtes issu d'une famille juive d'Ukraine, émigré en France à la fin du 19e siècle pour fuir les pogroms. Votre père Pierre était dentiste. Et votre mère, Esther Lotman, femme au foyer. Alors, vous passez vos premières années rue Têtebout, à Paris, là où est le cabinet dentaire de votre père. C'est là qu'un jour, la Gestapo débarque dans l'appartement où il ne restait que votre mère, Hubert et vous, dans des berceaux, donc. Et les nazis disent de beaux enfants. Et ils s'en vont. Pourquoi ? Mais peut-être parce qu'on était beaux et qu'ils avaient du goût. Et votre mère, comment elle expliquait ça ? Ben rien, elle expliquait pas. Elle était peut-être flattée. Je veux dire, ouais. Ils n'étaient pas venus pour les bébés. Là, c'est plus tard, on arrêtait les bébés. Ouais. Ils étaient venus visiblement pour arrêter mon père. Ouais. Alors là, votre père met sa famille à l'abri des rafles en répartissant ses membres en province. Et lui, il reste à Paris, mais il travaille discrètement, disons, pour d'autres dentistes. J'avais quatre frères. Ouais, ouais. J'ai quatre frères. Il les a dispatchés, certains à Toulouse, etc. Et les deux jumeaux, on a été envoyés dans l'Aisne à la ferme, dans une ferme où il y avait une fermière qui nous a accueillis, d'ailleurs. Ça fait partie de tous ces gens qui ont accueilli les jeunes juifs, absolument. Et bon, lui, il allait dans des cabinets de ses copains pour soigner. Ouais. Alors, votre famille réintégrera Paris en 1944. Et là, vous grandissez dans la tradition antifasciste, nourris par les récits des camps, et ce sont vos frères qui vous influencent pour rejoindre le Parti communiste en 1955. J'adhère, oui, à l'organisation des enfants, mais l'Union des Vaillants et Vaillantes, qui aujourd'hui s'appelle les Pionniers, et puis à l'âge de 10 ans, quoi, j'ai fait les sorties avec eux, après j'ai devenu moniteur, et puis ensuite je vais adhérer à, même pas à la jeunesse communiste, mais à l'ancêtre de la jeunesse communiste qui s'appelait l'Union des Jeunesses Républicaines de France, c'est-à-dire dans les années 55. Là, j'avais effectivement 14 ans. C'est incroyable. Et puis, je vais être envoyé à Moscou en 57, oui, exactement, comme très bon vendeur du journal des jeunesses de l'époque. Et je veux dire, la vie militante, elle va commencer tout petit. Alors, en 56, c'est l'année de l'expédition franco-britannique sur le canal de Suez au moment de la nationalisation par Nasser. Mais c'est aussi l'année de l'insurrection ouvrière à Budapest. Ça vous fait pas réfléchir, ça ? Si, c'est un souvenir parce que, comme vous l'avez dit, j'habitais rue des Debout. Ouais. Et à l'époque, le siège central du Parti communiste était tout près Carrefour Châteaudun. Ouais. Et au moment des événements, comme on dit pudiquement, de Hongrie, c'est-à-dire de l'occupation par l'armée rouge du peuple hongrois, il y a eu une immense manifestation qui a encerclé le siège du comité central, qui aujourd'hui, Carrefour Châteaudun, s'appelle Carrefour Kossuth, et a mis le feu au PC. Moi, à l'époque, j'étais un tout jeune communiste, et j'y suis allé pour défendre le parti. Je me posais pas trop de problèmes, j'étais tout jeune, et il y a des milliers de communistes qui sont aussi descendus dans la rue. Ils n'ont pas réussi à sauver le siège du comité central, mais ensuite, les manifestants, qui étaient plutôt de droite et d'extrême droite, se sont dirigés sur les grands boulevards pour mettre le feu au journal L'Humanité, et là, les communistes ont défendu leur canard, et il y a eu des grosses bagarres dans Paris. Alors, en 1962, vous épousez Michèle Martinet, enseignante, fille du fameux Gilles Martinet, fondateur de France Observateur, qui deviendra ensuite le Nouvel Observateur. C'est une grande figure de la gauche, Gilles Martinet. À l'époque où je me mariais, elle va se retrouver dirigeante d'un parti qui n'existe plus, mais qui a été très marquant, le PSU, le Parti Socialiste Unifié. Bien sûr, le PSU, Charletti. Alors, en 1965, vous participez à la création des Jeunesses communistes révolutionnaires. Vous êtes exclu du Parti communiste français pour position trotskiste. C'est un déchirement pour vous, parce que c'est un petit peu comme si vous étiez exclu de votre propre famille. Alors, vous n'avez pas du tout de respect pour les bureaucrates qui vous chassent. Mais vous quittez le siège avec quand même une profonde tristesse. Mais oui, Parti communiste, au-delà de tous les trucs dégueulasses qui ont été faits, qui ont été couverts, le régime soviétique stalinien et tout, ça représentait autre chose pour moi, mais surtout pour des centaines de milliers de gens qui étaient là-dedans. Et bon, c'est vrai que ça fait un coup, on te dit t'es viré, attitude anti-parti et tout. Je veux dire, j'avais aucun respect pour eux. Mais virer du parti, c'était un peu faire virer de ma famille. Et c'est vrai qu'à l'époque, les bons moments vous reviennent, les réunions de cellules avec les camarades, la vente de l'UMA dimanche, la garde du balcon de l'immeuble. La garde du siège du comité central. Ouais. Il y avait un balcon, effectivement, qui est toujours maintenant, toujours Carrefour Kossuth et non plus Châteaudun. Effectivement, comme j'habitais là, ma cellule du PC, on montait souvent la garde, parce qu'il y avait des gardes pour protéger l'immeuble du PC. Non, c'était à l'époque, pour les jeunes aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Mais le PC, c'était un parti qui était immensément implanté dans le mouvement ouvrier, dans les quartiers. Effectivement, on avait des séances de cinéma où les gosses ou les moins gosses, on allait voir des films soviétiques, au studio 43, Faubourg Montmartre. Je veux dire, il y avait ce qu'on appelait les goguettes, les repas, où on invitait les gens du quartier qui venaient voir un pot, bouffer ensemble. Il y avait une implantation populaire. Extraordinaire. C'était une contre-société, le Parti communiste, pour les travailleurs. Et c'était le côté positif. Sinon, on ne comprend pas pourquoi des millions de gens sont passés en France par le Parti communiste. À l'époque, 25% aux élections. C'était extrêmement puissant. Absolument. Et ce n'était pas parce que les gens aimaient les camps de concentration et les soviétiques, même si c'était un point décisif, bien sûr. Alors, personne n'eut un mot pour moi, dites-vous. C'est-à-dire, vous partez comme un chien, quoi. Ben, ça, c'est, à l'époque, c'était en plein stalinisme. Dès qu'on est viré du parti, on devient un adversaire, un ennemi. Et aujourd'hui, ça a complètement changé, heureusement, puis on n'exclut plus. Mais je veux dire, tous les liens d'amitié, les camarades, ma cellule, etc., les rapports deviennent... Il y a des gens qui se parlent plus, qui se serrent plus la main, qui se voient plus, c'est fini, on est un ennemi. Alors, quand arrive mai 68, vous êtes secrétaire de rédaction à mi-temps chez Hachette. Et là, vous retrouvez vos camarades étudiants qui veulent faire la révolution, renverser le capitalisme. Tout ça dans un esprit quand même un peu romanesque, guévariste. Ce qui est valable chaque fois qu'il y a un immense mouvement de masse, personne n'avait prévu. Vous vous rappelez l'éditorialiste du journal Le Monde qui titrait juste avant « La France s'ennuie », on ne peut pas dire qu'elle s'ennuyait tellement. Ouais. Donc on n'avait pas prévu. On espérait qu'un jour ça pèterait. On n'avait pas prévu. Bon, et moi j'étais effectivement chez Hachette. Dès que ça pète, je quitte Hachette immédiatement. Rupture de contrat. Et je vais au quartier latin. Et je vais y habiter, je vais rester là. Et puis ça va être toutes les séquences de mai 68 qui ça marque. C'est la plus grande grève générale qu'on ait jamais connue. 10 millions d'ouvriers en grève, des usines occupé sur la totalité du territoire avec le drapeau rouge qui flottait au-dessus quand même, c'est pas rien. Ah, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, puis des cortèges énormes. Et à un moment, il y avait un vrai problème de pouvoir. Pendant quelques jours, il n'y avait plus de flics à Paris. Ouais. Il n'y avait plus rien. C'était les syndicalistes qui faisaient la circulation. Ouais. Alors, il n'y avait plus de fric non plus pour acheter de l'essence. Ouais. On payait parfois les commerçants avec des bons que des comités d'entreprise d'usine donnaient. Mais je veux dire, c'est un tout autre climat. Puis surtout, ça m'a fait découvrir ce que j'avais lu dans les livres, mais jamais vécu. C'est ça qui me rend toujours optimiste et toujours révolutionnaire. C'est quand vous avez des moments comme ça, les gens sont tous les jours méconnaissables. C'est plus les mêmes. Je veux dire, d'habitude, on met trop boulot dodo, comme on dit à Paris, hein, seulement, mais on ne connaît pas son voisin de HLM et tout. Là, tout le monde apprend à se connaître. Fraternité extraordinaire. C'est extraordinaire, les gens dans la rue parlent. Je veux dire, les gens sont transformés, se radicalisent de jour en jour. Et du coup, un ouvrier devient poète, une concierge peut devenir chansonnière. Je veux dire, les gens sont méconnaissables. Et toute la richesse humaine, c'est aussi ça me rend positif, explose et s'explose. Je veux dire. Alors là, vous devenez une figure du mouvement, une figure un peu inquiétante pour les bourgeois, parce que les communistes y connaissaient, mais les trotskistes, c'était encore autre chose. Et en 1969, vous faites votre service militaire à Verdun, vous êtes deuxième classe, vous avez monté une cellule clando quand même. Un petit peu. C'est-à-dire qu'ils m'ont foutu en taule après 68, j'y suis resté un mois et demi, et m'ont envoyé à l'armée immédiatement, j'étais sur Citerre, et à Verdun. Et quand j'arrivais à Verdun, ça a été un petit peu l'événement. Et effectivement, on a réussi à construire un petit comité de soldats. Et c'est là que donc, vous portez candidat à la présidentielle. Alors c'est la première fois dans l'histoire, sans doute la dernière évidemment, puisqu'il n'y a plus de service militaire de toute façon, où un bidas devient candidat à la présidentielle, quoi. Et là, ça a été un problème énorme parce que c'était pas prévu par la Constitution qui disait qu'il fallait avoir suivi ses obligations militaires, un truc comme ça. Mais moi, j'avais pas terminé, j'étais toujours soldat. Ouais. Et puis j'étais confronté à un général en plus. Ouais. C'était De Gaulle qui était plus gradé que moi. Donc ça a foutu le bousin dans la caserne. Le colonel savait plus quoi faire de moi. Finalement, on a accepté que je rencontre mes copains qui venaient de Paris dans une salle spéciale. Puis finalement, ils m'ont fait sortir la nuit en douce dans la voiture d'un lieutenant en civil, pour aller rencontrer un point de rencontre. On avait étudié ça sur une carte d'état-major avec les officiers pour que personne, la presse qui entourait le truc, ne sache pas où mes camarades allaient me prendre. Et c'est là où j'ai vu les faiblesses de l'armée, c'est que le point de rencontre était devant une gare qui n'existait plus. Oh. J'ai quand même rencontré mes camarades. Ah ouais. Alors là, vous commencez tous vos discours par « Pour la première fois, un candidat révolutionnaire s'adresse à vous ». Alors ça, c'était assez facile à comprendre. Mais après, franchement, vous êtes d'accord, quoi. Votre discours à l'époque, il était complètement imbitable. Sur le fond, je remets rien en cause. Mais par contre, sur la forme, je suis complètement d'accord. Ouais. Je pense, mais bon, c'est un peu ce qu'on était. Moi, j'étais étudiant. On n'avait pas l'habitude de s'adresser à des millions de gens, comme par exemple aujourd'hui Olivier Besancenot ou Arlette Laguillé à son époque. Mais c'est dit d'une façon incompréhensible ou qui fout la trouille. Ouais, parce que c'est vraiment un langage étudiant sur un fond juste. Oui, tout à fait. Hein. Oui. Et ça, il y avait des progrès à faire. Et moi, j'étais le premier. En tous les cas, tout le monde vous connaît. Vous venez célèbre. Comment a réagi votre entourage quand vous avez eu cette notoriété, Alain ? Il faut toujours faire attention entre les gens qui viennent vous flatter et les gens qui sont contents parce qu'ils ont à peu près les mêmes idées. Donc là, c'est là où on s'habitue à faire les séparations. Vos parents, ils ont réagi comment ? Non, bien, ils étaient de gauche, des bons bourgeois de gauche. Mais à l'époque, c'était très courant. Souvent, ils votaient communistes parce qu'ils disaient il n'y a pas de danger qu'ils prennent le pouvoir. Et quand on était de gauche, on votait communiste. Ça ne donnait pas l'impression de voter révolutionnaire. Et vos frères ? Ah ben eux, ils étaient au PC. Ils étaient au PC. Il y en a qui avaient rencontré le trotskisme aussi. Donc ma famille était divisée. Il y avait des repas de famille entre communistes, trotskistes, etc. Et puis des parents qui arbitraient. Ouais. Mais non, plutôt comme c'est des militants, indépendamment du courant de gauche dans lequel on était, ils étaient contents, quoi. Et vos rapports avec les médias à l'époque, c'était comment ? À l'époque, ça ne jouait pas le même rôle qu'aujourd'hui. Hein. Bon, 68, par exemple, c'est les radios. Tout le monde écoutait la radio, mais la télé... Le retour de De Gaulle, c'était au transistor. Transistor, bien. Alors, la télé, en plus, les émissions télé officielles, moi, je n'étais pas du tout préparé, je n'avais pas de manager ni rien. Très franchement, ça m'a toujours foutu la trouille. En plus, ce n'était pas comme aujourd'hui, les émissions électorales, où on peut aller se balader dans la rue, aller voir les gens. Ouais. Bon, les émissions officielles, derrière une table, trois prises, boum, paf. Ouais. Et puis, bon, le petit mec devait s'adresser passer devant des millions de gens, ouais. C'était la première fois que ça m'arrivait, toujours peur de dire une connerie. Ouais. Moi, ça m'a traumatisé la télé. Alors, je ne me mets pas du tout en cause de la télé, mais c'est parce que quand on n'a pas l'habitude, surtout à l'époque, c'était le début, c'était absolument traumatisant pour moi. Ouais. Et la presse, ça s'est passé comment? Ben, la presse, c'était plus facile. La presse et la radio, parce qu'on avait un peu plus l'habitude. Sur le plan amoureux, votre célébrité vous a apporté des conquêtes, Alain? Non, j'en sais rien. Il y a peut-être, je disais tout à l'heure qu'il y a d'autres types de publics. Il y a peut-être un public qui est intéressé par ça, mais comme moi je fais partie de ce public, ça m'a jamais intéressé. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Non, c'est mai 68. Hein. Après, il y a eu d'autres événements. On a été dissous une deuxième fois en 73. Mais je veux dire, mai 68, c'est un truc qui marque. Alors, le drame, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vois, il y a des parents, des grands-parents, peut-être maintenant pas des arrière-grands-parents, qui emmerdent leur môme, même s'ils sont de droite aujourd'hui, en disant 68, ça a tellement marqué. C'est comme le Front Populaire pour nos parents. Ça a été d'ailleurs la connerie de Sarkozy d'attaquer 68. Bien sûr. On n'attaque pas un truc qui fait partie du patrimoine. Les gens, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas lâcher. Bien entendu. Et du coup, alors chacun l'interprète à sa façon maintenant. Et ça, pour moi, ça restera les mêmes dans le détail, les souvenirs les plus importants. Et le pire moment de l'époque? On a eu tellement d'espoir, même si nous, on ne pensait pas que c'était une révolution. On ne savait pas où ça allait, mais on savait où ça n'allait pas. Bon. Mais ça a quand même été l'échec. Vous faites 1,36%. Non, je n'ai pas été élu. Non, il vous manquait quand même quelques voix. Alors ensuite, évidemment, il y a d'autres aventures. Il y a le journal Rouge, qui était quand même quelque chose d'important, d'un amateurisme total. C'est marrant parce que c'est le seul journal qui est sorti avec une page imprimée à l'envers. Oui, absolument. Il fallait la regarder dans un miroir pour la lire. Et la plaque avait été imprimée à l'envers. Ça, c'est original. Hein. Il n'y a aucun canard. Non. Alors ensuite, vous serez candidat en 74. Là, vous ferez moins. Vous ferez 0,36. Ah oui. Encore moins élu, là. Encore moins élu. Non. En 81, vous n'arrivez pas à obtenir les 500 signatures, donc vous n'êtes même pas dans la course. Oui. Et puis ensuite, 88-95, vous n'êtes pas candidat. Et à partir de 2002, vous passez la main à Olivier Besancenot. Il s'est plutôt bien débrouillé, d'ailleurs. C'est normal que je me retire, y compris du bureau politique de la LCR. Olivier est devenu candidat, un excellent candidat. Et je veux dire, on le connaissait, on a fait un pari aussi, parce que entre être un très bon dirigeant dans les luttes et passer en plus très bien à la télé, c'était pas évident, fallait le tester. Donc bon, c'est Olivier. Et puis, à la même époque, mais ça, la presse l'a jamais dit, je voudrais dire, les 20 camarades, en gros, la vingtaine, qui avaient créé la LCR, ont quitté la direction aussi. Hein. Ça a été place à ceux qui avaient 30 ans, 35 ans. C'est le seul parti politique qui fait ça, parce que les autres, on se les tape pendant 40 ans. On reviendra après, on continue. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de 68, évidemment. Oui, mais nostalgique, pas justement pas comme les vieux combattants qui ne foutent plus rien, moi. Au contraire, c'est qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut corriger pour arriver à 68 qui réussisse, en gros, dans d'autres conditions. Vous croyez qu'un jour? Oui, absolument. Oui, parce que, je veux dire une seule chose, c'est terrible de dire ça, la crise économique terrible qu'on subit, d'un certain point de vue, elle nous aide. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui défend le capitalisme. C'est-à-dire que peut-être que le capitalisme s'écroulait tout seul, alors, sans que vous y soyez pour grand-chose. Voilà, mais alors, le problème, c'est que il s'avère qu'il s'écroule jamais tout seul, il faut l'achever. Mais d'un autre côté, comme tout a échoué, comme alternative, c'est aussi plus dur, et y compris parce que mai 68 a échoué. Ouais. Et les gens normaux vous disent, on a essayé une grève générale en 68, ça a échoué, 81 des élections générales, la gauche, ça n'a pas été fameux, qu'est-ce qui reste? Et là, il faut lutter contre ça pour offrir autre chose. Alors, si c'était à refaire, Alain, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? On ne l'a pas dit tout à l'heure, moi j'ai été vraiment stalinien, aujourd'hui ça n'a plus tellement de sens. Et j'ai fait partie de ceux qui ont acheté un cadeau, comme des crétins, on allait acheter des cadeaux pour Staline dans le monde entier. Et j'étais au comité central Carrefour-Châteaudun à porter mon cadeau, je ne sais même plus ce que c'était pour Staline. Non mais c'est d'avoir été stalinien, ça c'est dément, je veux dire. Bon, quand on voit aujourd'hui la caricature, la dictature... Quand vous avez lu Solzhenitsyn, que la réalité des goulags est apparue... Oui, mais moi j'avais lu avant, parce que comme j'avais adhéré au trotskisme, sans remettre en cause... Vous aviez lu David Rousset? Oui, David Rousset, j'avais lu Trotsky aussi, qui remettait quand même pas mal en cause la bureaucratie stalinienne, le stalinisme, cette caricature atroce, qui fait que quand on dit socialisme, encore aujourd'hui, moi, mais les gens, je comprends, ils disent si c'est l'URSS, on ne veut pas. Ouais. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Ben, il faut écrire, je vais apparaître comme un vieux schnock, mais pas du tout, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Très bien, c'est une très bonne épitaphe. Merci Alain, je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie. loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des burettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Comme vous le savez, je connais les EHPAD de l'intérieur en tant qu'aide-soignante et je pense aujourd'hui aux résidents, aux familles, au personnel des EHPAD qui souffrent des dérives de ce système. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai beaucoup hésité à me lancer dans cette mission flash suite aux révélations du livre de Victor Castanet. J'ai commencé mon mandat avec mon premier discours à la tribune le 19 juillet 2017 sur la situation des EHPAD. Je terminerai mon mandat avec le même sujet. Ce n'est pas très victorieux. Mon rapport EHPAD de 2018, coécrit avec Madame Iborra, décrivait déjà de manière accablante tout ce qu'il y est aujourd'hui dénoncé, ainsi que dans les reportages de Cash Investigation qui viennent de sortir. Or, aucun changement structurel n'a été réalisé durant ces 5 années de mandat présidentiel et législatif. J'ai encore le droit de dire ce que je veux, merci. Poursuivez, Madame la députée, poursuivez. Poursuivez, Madame la députée. 20 000 soignants ont certes été promis sur 10 ans, mais le ratio de soignants par résident continue de se dégrader compte tenu des évolutions démographiques. Alors, puisque la pédagogie est affaire de répétition, je ne désespère pas que le prochain gouvernement et que la prochaine Assemblée nationale se donnent enfin les moyens de ses ambitions. Ce rapport, coécrit avec Mesdames Amrère et Valentin, extrêmement concis, pose ainsi les bases de ce qu'il faudra mettre en œuvre pour qu'adviennent les EHPAD de demain. Il est le condensé de ce qui a été le plus largement décrit dans notre rapport de 2018, étayé d'éléments issus des auditions que nous avons menées malheureusement dans un temps extrêmement contraint. L'EHPAD de demain doit remettre l'humain au centre de son fonctionnement. Sans surprise donc, dans ce rapport, comme dans celui de 2018, notre première préconisation est de définir un ratio minimum obligatoire de personnel soignant au chevet des résidents, ce qui revient à doubler sans délai le personnel soignant dans nos EHPAD. Ce n'est qu'ainsi que nous mettrons fin à la maltraitance pour les résidents comme pour les personnels qui sont les victimes collatérales. Remettre l'humain au centre, c'est aussi maintenir autant que possible l'autonomie des résidents. La bientraitance ne se traduit pas par un nombre de protections, 10, 11, 12 par jour tant qu'on y est, mais par le fait d'avoir le temps, tout simplement, d'accompagner le résident aux toilettes chaque fois qu'il en a besoin et de ne pas lui poser de protection. L'EHPAD de demain doit être un lieu de vie où l'on est soigné et non un lieu de soins où l'on vit. Déjà en 2018, dans notre rapport EHPAD, nous demandions que soient généralisés des établissements recréant véritablement la sensation d'être au domicile et orientés vers le respect de la citoyenneté du résident. Pourtant, depuis nos alertes, les choses ne sont pas améliorées. La gestion de la pandémie dans les EHPAD a même donné lieu à des privations de liberté et de contacts sociaux inhumains. La défenseure des droits l'a longuement rappelé dans son rapport de 2021. Le résident est un citoyen. Il est un individu avec un parcours de vie, avec ses particularités. Dans l'EHPAD de demain, les résidents devront pouvoir choisir comment ils veulent vivre leurs dernières années de vie. Ils devront se sentir chez eux, sonnette à l'entrée des chambres, choix des meubles, de la décoration, des objets, de l'aménagement. Et les personnels devront avoir le temps de s'intéresser à chaque résident, de connaître leur histoire, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. En deux mots, il faut remettre au centre l'humain, l'accompagnement et le concept d'humanitude plutôt que l'approche strictement médicale et médicamenteuse. Nous l'avions écrit dans notre rapport, Monique Iborra et moi-même. Le droit au beau, ça existe. C'est essentiel et ça commence dès la construction des EHPAD pour que les résidents s'y sentent chez eux. Personne n'a envie d'habiter dans un endroit qui ressemble à un hôpital. N'oublions pas non plus le droit au bon. Cash Investigation vient de révéler le prix maximal par résident de la nourriture et des boissons chez Corian, 4,35 € par jour. C'est abject, inadmissible. Bien manger, premier plaisir du quotidien, doit à nouveau être possible en EHPAD. Quand je décris l'EHPAD du futur, je parle souvent du modèle néerlandais. C'est un exemple en particulier pour la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui seront 2,5 millions en France en 2050. À Hoogwerk, où je suis allée, nous avons un vrai quartier avec des petites maisons personnalisées, un restaurant, un théâtre, un supermarché. Les résidents participent au choix des menus. Il y a 2 infirmières et aides-soignantes pour chaque maison, c'est-à-dire pour 6 résidents. Et les résidents payent en fonction de leurs revenus entre 0 et 2400 euros par mois. Voilà un lieu où le résident se sent chez lui. Pour ce lieu, on pourrait d'ailleurs inventer un nouveau nom. Je pense qu'il faut bannir le mot EHPAD, beaucoup trop connoté de manière négative. Pour ce lieu, on pourrait d'ailleurs inventer un nouveau nom, donc maison collective pour seniors, par exemple, comme nous l'avions proposé. Concernant les contrôles, ma collègue Véronique Amrère vient d'en parler, s'ils doivent être rénovés, c'est pour vérifier que les résidents soient traités avec humanité. Il faut en finir avec ces contrôles auxquels les établissements obtiennent des notes excellentes parce qu'ils cochent toutes les cases d'une grille qui n'a rien à voir avec la vie, avec le bien-être des résidents. Un contrôle, quand ça se fait sur place, ça se fait de manière inopinée et ça se fait en regardant comment les résidents vivent concrètement et comment ils sont traités. Cela nécessite sans aucun doute plus de moyens humains. Les évaluations externes doivent quant à elles revenir dans le giron du secteur public et être réalisées en toute indépendance. Il convient également de protéger toutes les personnes, en particulier les familles, lorsqu'elles dénoncent les maltraitances. En tant que lanceurs d'alerte, elles ne doivent plus être seules face au pouvoir des grands groupes. Renforcer les pouvoirs de conseil de vie sociale apparaît à ce titre indispensable. Pour finir, bien traiter nos résidents d'EHPAD, c'est bien évidemment s'en donner les moyens budgétaires et cesser de se cacher derrière son petit doigt dès que la question est évoquée. Compte tenu de la maltraitance actuelle et des évolutions démographiques, un point de PIB supplémentaire est nécessaire, c'est le minimum et c'est chiffré. D'autres pays mettent même davantage. Vous trouverez les détails dans le rapport Fiat-Iborra de 2018. Pour que cet argent public ne soit pas gaspillé par des groupes privés lucratifs, il faut à minima savoir ce qu'il devient lorsqu'il leur est distribué. Mais pour une véritable réforme qui porte ses fruits, nous devons aller plus loin. Aucune entreprise ne doit plus jamais réaliser des dividendes sur la maltraitance de nos aînés. Il faut donc se poser une bonne fois pour toutes la question de l'existence d'un secteur privé lucratif et y mettre fin. Il faut mettre fin au business de leur grille. Ce sont mes mots à moi. Je parle à mon nom là. Ma collègue Amrère parlait d'en faire des sociétés à mission. Je pense sincèrement que cela ne suffira pas. D'ailleurs, quand je parle que de ce modèle privé lucratif à nos voisins européens, par exemple au Danemark, mes interlocuteurs sont très surpris, voire choqués, qu'un tel système puisse exister. Je vous remercie. Ma cigarette sans tabac. trappe et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, le territoire de Narbonne, à 3 km du centre-ville, a été construite l'usine de Malvézy, qui purifie 25% de l'uranium mondial. Le général de Gaulle en parlait comme une démonstration scientifique et technique. Mais 60 ans plus tard, des associations locales s'inquiètent des activités de ce voisin devenu trop gênant. Vous avez une vue du domaine. C'était un océan de vignes, et la vigne a été peu à peu brûlée par les embruns de l'usine. Donc, dans les années 70, ils ont tout arraché. Et donc, c'était suite à la pollution de l'usine. Alors, le chai, il y a la date marquée en haut. C'est 1890. Nous, on a 11 hectares, mais qu'on n'exploite pas. On a pris un frêne dans Narbonne et on a comparé par rapport à ceux qui sont ici. Et effectivement, ils sont chargés 20 fois plus en uranium. Voilà. En radioactivité, quoi. Ah ben nous, quand on a acheté, on était serein, il y avait une petite usine derrière, on nous a dit qu'elle allait fermer. Sur les papiers d'urbanisme lors de l'achat, rien n'était notifié, ni même que c'était une zone Céveso. En 99, on n'aurait jamais imaginé ce qui se tramait vraiment, ce qui se passait vraiment dans cette usine. Et si on l'avait su, évidemment qu'on n'aurait pas acheté ici. Voilà, là où on voit les bâches noires, ce sont les bassins nucléaires, hein. Bassins historiques B1, B2, qui contiennent des radionucléides artificiels. Voilà, je vais les prendre en photo, je prends régulièrement en photo. Ça me permet de suivre l'évolution des travaux. Je suis le président actuel de l'association Rubrisus. Je suis retraité de la recherche publique. J'étais donc directeur de recherche à l'INRA et j'étais notamment spécialisé dans les sciences de l'environnement. Orano a été créé en 1959, enfin le site Malvesy, à Narbonne, au début de l'ère nucléaire française, pour la production, la purification du minerai d'uranium en uranium. C'est un site d'importance mondiale. 500 000 tonnes d'uranium ont été purifiées à Narbonne sur ce site pendant 60 ans. Ça a émis des quantités considérables de déchets, donc à hauteur de déchets liquides, d'émissions gazeuses et de déchets solides. Le quart de la production mondiale d'uranium est assuré à Narbonne. L'oppidum de Molores, donc c'est le berceau de Narbonne. Le premier Narbonnais vivait là, sur l'oppidum, et avait créé une ville qui s'appelait Élysia. Donc c'était le peuple des Élysiques. Voilà, on va se garer là, on montera à pied. J'aurais dû mettre les chaussures de marche. On voit bien la proximité de la ville, quoi. Les bassins et la cathédrale derrière. Voilà. En 2004, il y a eu un bassin énorme dont les digues se sont crevées sous la pression de l'eau. Les boues se sont épandues dans l'environnement et on a découvert à ce moment-là que les bassins contenaient des radionucléides artificiels qui ne devaient pas être présents. Dans les années 60 à 80, le site Malvesy a reçu de l'uranium de retraitement. Cet uranium étant déjà irradié puisqu'il avait, il était passé dans des réacteurs nucléaires, donc c'est technétium, américium, était présent dans les déchets de Malvesy et ont contaminé l'ensemble des installations de traitement de déchets. L'IRSN nous a mis en place une station de prélèvement de l'air pour mesurer de manière hebdomadaire, à l'aide d'un filtre, ce qu'on respire dans l'air, quoi. La radioactivité et en fait, c'est paraît-il des mesures très fines où ils mesurent pas seulement l'uranium, mais toutes sortes de choses. Donc, on verra. Et j'ai ça pendant 6 mois chez moi et toutes les semaines, je fais le prélèvement. Je vais arrêter la machine. J'enlève le filtre. Donc je mets un autre filtre neuf. Je relève le compteur. Pour l'instant, j'ai aucun résultat d'analyse. J'ai pas trop de nouvelles de l'IRSN. Ce sera intéressant. Peut-être pas rassurant, mais intéressant. Au moins, on sera fixé sur l'air qu'on respire. Il y a toute une panoplie de polluants émis par le site. Les dosages de l'uranium dans les sédiments des étangs narbonnais, à plus de 15 km du site, montrent que l'uranium est présent dans les sédiments. Donc il y est arrivé d'une façon ou d'une autre, soit par les rejets liquides au travers des canaux, soit par des retombées gazeuses de poussière d'uranium. On voit ici que le taux standard à Narbonne de mortalité par cancer du poumon est de 55, alors que dans le Nord, il est de 49,9, et qu'en Occitanie, dans la région, il est à 43,7, c'est-à-dire 16% de moins. C'est une étude qui a été faite par l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est Rubrisus qui a lu le rapport. Personne d'autre n'a soulevé le problème. Je suis médecin épidémiologiste, je suis à la retraite de l'INSERM, j'étais aussi expert à l'ANSES. On ne peut pas, ça je m'y refuse totalement, dire qu'il y a un lien entre cette surincidence de cancer du poumon qui est réelle, hein, et Malvesy. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Ce n'est plus vrai, ça, maintenant. Ce n'est pas facilement montrable. Il vous faut 350 000 personnes, comme dans l'étude InWork, ce sont les ouvriers, pour montrer qu'effectivement, des doses aussi faibles que 5 millisieverts font apparaître des leucémies myéloïdes. Voilà. Ces statistiques-là, c'est sur une cohorte de 42 000 habitants, et les populations sont étudiées dans des valeurs standards. Ce n'est pas un cas isolé. Sur 3 années, donc ça lisse bien le problème, ce n'est pas un épisode ponctuel. 3 années. Et dans ses conclusions, l'ARS, que les chiffres obtenus sur cette campagne de mesures triennale rejoignent les précédents chiffres qui avaient été obtenus sur une même campagne précédente de 3 ans. Donc on voit que c'est un bruit de fond permanent sur les cancers du poumon, hein, en Narbonne. Donc c'est une anomalie sanitaire majeure. Si on multiplie ça sur 30 ans, c'est plusieurs centaines de décès par cancer du poumon. Donc ce sont des chiffres importants. Et Orano nous dit pas d'impact sanitaire. Alors, on ne peut pas faire la relation, mais on peut se poser la question. Non, non, il n'y a plus la maison, ça a été rasé. Hein. Les enfants étaient à l'école avec mon dernier, et donc on avait sympathisé. C'est comme ça qu'on a connu l'endroit et qu'on a eu fait des fêtes à se baigner dans le lac et tout ça. C'était un petit coin de paradis, quoi. Mais je vois que l'usine s'est rapprochée, hein. Ce qui les intéresse, c'est l'eau, hein, parce qu'ils utilisent beaucoup d'eau dans le process qu'ils ont. Quand ils rachètent les maisons, qu'ils les détruisent, comme ça, il y en a plusieurs autres dans la plaine. Les grabats, les débris, ils les laissent sur place. Ils écrasent tout, ils enfouissent tout. Il y a une petite cascade derrière, les enfants faisaient du canoë sur cette partie de rivière. Mais bon, c'était pas comme ça. Là, je vois qu'ils ont mis c'est des gabions. Oui. Ça, c'est pour arrêter la radioactivité. Mais tout ça, c'était nature, quoi. C'est une pollution qui va perdurer des milliers d'années. Hein. Lors de notre reportage, Orano n'a pas pu nous recevoir et a répondu à nos questions uniquement par écrit. L'entreprise affirme par ailleurs pratiquer chaque année 23 000 analyses sur 100 points de prélèvement. Mais aujourd'hui, ce que veulent les associations, c'est une étude épidémiologique pour savoir l'origine des taux de cancer élevés à Narbonne. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle

soudain le soleil s'est endeuillé. Les obus éclataient comme des œillets. La mort faisait ripaille jusque dans nos jardins. Il n'y poussait plus que des orphelins. La pluie qui avait cousu tout l'horizon faisait fumer les ruines des maisons. Et tout en m'éloignant du ciel de Babylone, j'ai compris que je n'avais plus personne. N'écoute pas les fous qui nous ont dit la liberté est au bout du fusil. Ceux qui ont cru ces bêtises sont morts depuis longtemps. Les marchands d'armes ont tous de beaux enfants. Depuis la nuit des temps, c'est pour l'argent que l'on envoie mourir des pauvres gens. Les croyants, la patrie, prétexte et faribole. Combien de vies pour un puits de pétrole. Petite, si tu es kurde, il faut partir. Les enfants morts ne peuvent plus grandir. Nous irons en Europe, si tel est notre lot. Là-bas, ils ne tuent les gens qu'au boulot. La revue de presse. Alors, on va commencer par le canard enchaîné. Hein? Par exemple, frontières politiques inhumaines. Expulsés en Ukraine, point d'exclamation. On dirait une mauvaise blague, mais c'est vrai. Une famille d'Ukrainiens vivant en France vient de voir son expulsion confirmée. Ils sont Ukrainiens, lui est sourd, sa femme aussi. Ils ont deux enfants dont l'un est handicapé. Ils vivent en France depuis 7 ans, sans papier. Le 28 février, 4 jours après le début de la guerre, la justice française a décidé de les expulser vers l'Ukraine. Vladimir, nom d'emprunt, 36 ans, est né à Louhansk, dans le Donbass, cette région ukrainienne revendiquée par les séparatistes. Il épouse en 2013 une jeune femme ukrainienne. L'année d'après, dès les premiers accrochages, il décide de s'enfuir. Lors des attaques, explique Julien Abrel, leur avocat, les sirènes ne leur étaient d'aucune utilité puisqu'ils sont sourds. Ils ne pouvaient compter que sur leurs voisins pour les prévenir. Ils se réfugient à Vinnytsia, à 200 km de Kiev, dans la famille de la jeune femme. Mais là, personne ne veut d'un gendre qui vient d'une région pro-russe. Ils décident de mettre les voiles de nouveau. Les voilà en France. Vladimir fait une demande d'asile, refusée. En décembre 2015, un bébé arrive, un garçon. Il est atteint d'une malformation congénitale lourde, avec traitement quotidien et suivi semestriel. Terrain de jeu pour enfants. Fin 2018, la préfecture de la Haute-Garonne prend à l'encontre du père un arrêté de reconduite à la frontière, avec, en prime, une interdiction de revenir en France pendant 2 ans. Vladimir reste. En août dernier, il tombe sur un contrôle policier. Le 12 octobre, il passe devant le tribunal administratif de Toulouse. Surprise, l'arrêté est cassé. Motif, la décision de le renvoyer ne tient pas compte de sa situation familiale, surtout depuis 2020, il a un second enfant. La préfecture fait appel. Direction la cour administrative d'appel de Bordeaux, laquelle vient de le confirmer, Vladimir doit partir. Il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels, qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. On se pince. Quant à ses enfants et à sa femme, également en situation irrégulière, ils ont vocation à le suivre, surtout que les gamins, compte tenu de leur jeune âge, pourront poursuivre ou débuter dans ce pays une scolarité normale. On rêve. L'aéroport de Vinnytsia a été détruit ce week-end par des frappes russes. Le canard enchaîné du 9 mars 2022. Voilà. Ensuite, c'est surtout des nouvelles reçues par Internet. Hein, les journaux, c'est vrai qu'il y a plein de nouvelles. Hein, mais la rubrique, la, la revue de presse est trop courte pour les lire tous. Hein. Malgré l'embargo américain, le pétrole chute fortement. Les investisseurs voient s'éloigner la perspective d'un embargo européen. Le pétrole recule de plus de 13% ce mercredi soir. Pour l'heure, il ne semble pas y avoir de panique. Après avoir flambé ces dernières semaines, les prix du pétrole reculaient fortement ce mercredi, les investisseurs ignorant la baisse des réserves américaines de brut pour se concentrer sur la guerre en Ukraine et la perspective diminuée d'un embargo européen sur le brut russe. L'idée que le marché européen pourra toujours compter sur l'offre venue du deuxième exportateur mondial permettait au cours de s'éloigner de leur récent sommet. À 20h, le cours du baril de Brent chutait ainsi de 13,6%. Après avoir tutoyé la veille les 130 dollars, le pétrole de la mer du Nord est tombé à 110 dollars ce mercredi. Le WTI recule dans les mêmes proportions, moins 12,9%, avec un prix du baril à 107 dollars. Une chute des cours qui pourrait rapidement alléger la facture de carburant des Français sur BFM TV. Michel-Édouard Leclerc a indiqué que le prix du litre du carburant devait baisser de 14 à 15 centimes dès ce vendredi. « Je trouve qu'il n'y a pas de rationalité sur ce marché », a commenté le distributeur. « Il y a du stock, il n'y a pas moins de pétrole aujourd'hui, même les Russes vendent encore du gasoil. Il n'y a pas de raison objective que ça flambe, les marchés spéculent. » Voilà, alors ça c'est un article déjà un peu ancien, les choses changent, elles évoluent un coup dans un sens, un coup dans l'autre. On nous donne des bonnes raisons dans un sens, on nous donne des bonnes raisons dans le sens opposé. Hein, on nous trimballe, on nous promène, on nous dit tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a inventé les radios libres il y a 40 ans, pour enfin pouvoir dire la vérité quand on la sait. Alors, CRIRAD, dommage que sur la source de neutrons NSA située à Kharkiv, sur le site de l'Institut de physique et de technologie. Alors, dimanche, suite à des combats dans la zone, cette installation de recherche qui comporterait 37 éléments de combustible nucléaire aurait été touchée. D'après l'agence de régulation nucléaire ukrainienne, aucune indication ne montre que la matière radioactive ait pu être dispersée. Il est cependant difficile de vérifier cette dernière affirmation en se basant sur les mesures disponibles en ligne. D'après le site Save Ecobot, la station de mesure de débit de dose Kharkiv, la plus proche, à environ 18 km du sud de la ville, ne fournit plus de données depuis le 23 février. Alors on dit Kharkiv en ukrainien et Kharkov en russe. Hein. Donc ça veut dire que les deux langues ont été pratiquées à certaines époques, pendant un certain temps, dans ce pays, l'Ukraine. Les stations disposant de données actualisées ce jour sont situées à plus de 50 km du site. Les mesures observées hier ne montrent pas de différence avec celles observées avant le 6 mars. L'équipe de la CRIRAD poursuit son activité de surveillance et rendra compte en cas d'évolution significative de ces informations. Pour suivre le travail de la CRIRAD concernant le risque radiologique lié au conflit de l'Ukraine, eh bien, se brancher sur Internet, chercher CRIRAD. Et vous aurez des informations au jour le jour, à mesure qu'ils les auront. Parce que eux, ils s'efforcent d'informer le grand public, c'est-à-dire nous, de nous informer. Ce qui n'est pas le cas de la presse vendue, c'est-à-dire pour laquelle on paye un abonnement, hein, ou une redevance. Voilà, ou de la publicité. Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. C'est signé, André Gide. Oui, le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, par des insoumis. Signé André Gide. C'est déjà un peu ancien, hein. Donc, vous voyez, les vérités anciennes peuvent parfois devenir des réalités récentes. Injustice de classe, avril 2017, un sans-papier poursuivi pour avoir subtilisé quelques saucisses de Strasbourg, des gâteaux et une brosse à dents dans un centre commercial, condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 15 jours de prison ferme avec mandat de dépôt. Juin 2019, un individu de 20 ans vole un sandwich au thon et un jus d'orange dans un magasin Franprix de Conflans-Sainte-Honorine, valeur du préjudice 5 euros. Le procès, préjudice entre guillemets bien sûr, le procès aboutit à une peine de 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. 15 jours de prison, 6 mois. Mars 2022, des parlementaires détournent des dizaines de milliers d'euros d'argent public. Des parlementaires détournent des dizaines de milliers d'euros d'argent public. Une tape sur les doigts et une demande de remboursement des dépenses frauduleuses. Pas de poursuite, pas d'amende, pas de condamnation. Il y a d'un côté une petite caste de parasites qui se gavent de fonds publics, des nantis criminels qui organisent la fraude en bande organisée, mais arrivent toujours à esquiver procès et prison. De l'autre, les pauvres, les damnés de la terre, celles et ceux que la justice bourgeoise enferme pour avoir dérobé des aliments pour se nourrir, pour survivre. Pouvons-nous encore continuer à supporter tant d'injustices sans broncher? Est-ce qu'on a du sang sous les ongles? Est-ce qu'on a des idées? Est-ce qu'on est capable de les faire valoir, ces idées? Est-ce qu'on est capable de voter pour ces idées? Voter pour les intérêts principaux du peuple français et des peuples voisins, parce que bien sûr, si la France vote mal, les conséquences seront subies par les voisins aussi. Quand les Allemands ont voté en 1932 pour Adolf Hitler, et toute l'Europe, tous les peuples européens, et pas seulement américains, canadiens, etc., australiens et autres, ont subi les japonais, ont subi les conséquences de ce vote. Les Allemands ont mis dans l'urne un petit morceau de papier, et ça a fait 60 et quelques millions de morts. 60 et quelques millions de morts. Alors si les Français sont décidés à voter mal prochainement, parce qu'il y en a une bonne partie qui sont décidés à voter mal, très mal, à voter de façon criminelle, eh bien on faudra subir les conséquences. Voilà, pour que tout le monde réfléchisse et se sente responsable. Votre petit bulletin de vote, ce n'est pas grand-chose, mais ça peut avoir des conséquences très, très importantes, très positives ou archi-négatives. À vous de choisir. Une blanchisserie nucléaire dans la plaine de l'Ain, communiqué de presse de SDN Budget, suite à l'achat d'une parcelle de 40 063 mètres carrés dans le parc industriel de la plaine de l'Ain par la société Unitec Service. Et contrairement aux propos du directeur général d'Unitec France, il y aura bien une blanchisserie pour décontaminer le linge contaminé des sites nucléaires français. En plus, il y aura aussi une installation de requalification d'équipements contaminés de l'industrie nucléaire. Pour ces projets dans la zone industrielle de la plaine de l'Ain, la société Unitec vient d'être lauréat des fonds de soutien aux investissements du secteur nucléaire et au renforcement des compétences de la filière nucléaire. De telles installations dans le parc industriel de la plaine de l'Ain vont générer des rejets radioactifs, gazeux et liquides qui viendront s'ajouter à ceux des installations nucléaires proches. Même si ces rejets sont réglementés, sont pas sans effet sur l'environnement et la santé des habitants du secteur. Ces installations vont aussi générer de nombreux transports de produits radioactifs, puisque le linge et les équipements décontaminés viendront de toute la France. Cette blanchisserie nucléaire a été rejetée par les populations de la Haute-Marne. Pourquoi celle de l'Ain l'accepterait-elle? Point d'interrogation. Et demain, accepterons-nous la grande piscine centralisée de stockage des combustibles usés qu'EDF veut implanter à La Hague, mais contre laquelle les populations locales s'opposent? Le nucléaire, qu'il soit civil ou militaire, est dangereux pour la survie de l'humanité. La survie de l'humanité. et il est temps de passer à autre chose. L'association Sortir du nucléaire Bugey s'opposera à ces nouveaux projets nucléaires, tout comme elle s'oppose au projet de nouveau réacteur nucléaire à Loyette. Elle continue aussi de demander l'arrêt des vieux réacteurs nucléaires afin d'arrêter la production de déchets radioactifs. SDN Bugey du Bugey, le 10 mars 2022. Alors, s'il y a encore des écologistes dans ce pays, des vrais écologistes, des vrais, eh bien, il faut qu'ils s'opposent. Hein, oui, il faut que par leur vote, ils montrent qu'ils s'opposent à ce gouvernement. Hein, et à... Bon, voilà. Hein, des vrais. Ah ben, il faut que ça soit des vrais. Les répliques. La retraite à 65 ans, c'est une piste sur laquelle travaille Emmanuel Macron. Marion de Beauvais répond, à l'âge de la retraite, 25% des plus pauvres sont déjà morts. À l'âge de la retraite, 25% des plus pauvres sont déjà morts. Vouloir repousser l'âge légal à 65 ans, comme le propose Macron, c'est laisser mourir les gens sans leur laisser ces quelques années pour autre chose qu'avoir l'esprit tourné vers le travail. C'est criminel. Voilà. Alors il y a des bulletins de vote qui sont des crimes. Voilà. Les bulletins de vote. Oui, oui, oui. Et pas que en Allemagne en 1932, hein. Il y a des Français qui s'apprêtent à voter pour un parti, pour des partis, qui ne valent pas mieux que le parti nazi en 1932-33. Et les années qui ont suivi. Hein, ça s'est terminé officiellement en 1945, cette aventure-là. Aventure, entre guillemets. C'est un mot extrêmement tragique, hein. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, vu par les spécialistes. 10 sur 10 sur la thématique de l'aide au développement. C'est signé Aide au développement, Action contre la faim, CARE, ONE, Action Santé mondiale, Amnesty International. Une série d'engagements qui font écho à plusieurs de nos recommandations, signé Amnesty International. Le programme de la France insoumise est le plus proche des recommandations des ONG en se montrant plus complet et plus précis que ses concurrents. Signé Oxfam France, Secours catholique, Oxfam, Action Aid, CCFD, Terre soumise. Solidaire, c'est écrit petit, alors voilà. Terre solidaire, CCFD. Jean-Luc Mélenchon, le plus profondément féministe des 5 candidats. Slate.fr. Jean-Luc Mélenchon a clairement enrichi ses connaissances et musclé son programme sur l'écologie, signé Greenpeace. Greenpeace, c'est des vrais écologistes. Ah oui, oui, ils sont toujours contre le nucléaire, eux. Eh oui, ils n'ont pas de ministre au pouvoir qui, avant, a été contre le nucléaire, et puis, une fois au pouvoir, ben, on dit plus qu'on est contre le nucléaire, bien sûr. Hein? Ben oui, on est au pouvoir et on est au pouvoir. Ben oui, on est contre ou on est pour. Si on est collabo, ben on est collabo et puis c'est tout. Hein. Une réflexion beaucoup plus construite et argumentée sur la sécurité et la justice que tout ce que nous avons passé en revue. Le journal du Geek, l'un des projets les plus détaillés et fournis concernant le numérique, concerne du lourd pour l'océan. Un programme marin détaillé, bien plus poussé que celui de ses concurrents, loin devant les autres candidats. Hein, Bloom Association. Le programme de Jean-Luc Mélenchon est indéniablement plus étoffé que celui de ses concurrents. Un engagement profond en faveur de la culture. Alors signé National Geographic. Hein, qui dit aussi pas de points négatifs. Le poids des mots, Paris Match. Pour les experts de la santé publique et sécurité routière, Jean-Luc Mélenchon a 20 sur 20. Vous rendez compte, Paris Match? Hein? Ben oui. De temps en temps, il arrive que on se réveille et qu'on dise la vraie vérité. Hein, qu'on arrête de tourner autour du pot. Le programme qui répond le plus aux attentes du barreau des avocats, signé Avocat Barreau de Paris. Un véritable intérêt pour la prise en compte des animaux. signé Éthique des animaux. En termes de sortie du nucléaire civil et de transition énergétique, c'est le candidat le plus ambitieux, signé Sortir du nucléaire.